Sigamaleya, cette émission de succès indémodable de la chanson créole s'achève aujourd'hui en compagnie de Luc Donat, qui joue au violon un de ses titres les plus célèbres, le fameux Mozart Séga. Alors Mediaset se le coûte plus tard sur Réunion Première Radio, qui met partout et tout le temps les musiques des îles en l'air. C'était Sigamaleya sur Réunion Première. Bonjour à toutes dans la fraîcheur encore ce matin. Bon courage en ce début de semaine. Et bienvenue sur la première. C'est l'heure du journal de la rédaction. Il est 5h. Le journal est présenté par Florent Marot. Bonjour Florent. Bonjour Jackie, bonjour à tous. Saint-Leu dit non à la carrière de bois blanc. Les Saint-Leusiens se sont prononcés contre le projet à 81%, une large majorité donc pour cette consultation populaire, la première organisée à La Réunion. Un résultat à relativiser tout de même, la participation 7194 votants sur les quelques 25600 inscrits. Thierry Robert avait fait campagne pour le non, le député maire de Saint-Leu, et contre l'exploitation de roches massives à bois blanc. Et pour lui, évidemment, ce qu'il faut retenir, ce n'est pas la participation, quoique, mais ce non à 81%, reportage complet dans notre journal de 6h. Et pour aller plus loin, notamment sur l'avenir de la nouvelle route du littoral, nous reviendrons sur ce référendum à Saint-Leu avec l'invité de la matinale. Philippe Dornier reçoit aujourd'hui Huguette Bello, députée et présidente du PLR. On parlera aussi logement et de la loi travail. Un mouvement de grève nationale est prévu demain. À La Réunion, un défilé est programmé à Saint-Denis entre le Petit Marché et la préfecture. Dans le reste de l'actualité, les 7000 poulets d'un élevage de pitons fougères dans les Hauts-de-Sainte-Marie ont été abattus hier. Une maladie aviaire de Newcastle ou d'influenza était suspectée. C'est très contagieux, mais sans danger pour l'homme. La gendarmerie et la DAF n'ont voulu prendre aucun risque. Un coup dur tout de même pour l'éleveur. Son voisin Gilbert Robert témoigne. C'est notre voisin et quand il nous apprend ça, ben il nous est triste. Parce que c'est tout, comment ça? Au gagne-pain, j'avais enfumé, comme je dis maintenant. Un peu nous créatif. Les animaux, c'est la vie. Hein. Et du jour même, ils sont malades, surtout aujourd'hui. Quand nous élèves les animaux, ben nous achetons les souches. Et les souches, nous ne connaissons pas comment ils font. Ben après, nous avons un vaccin, et ici, là-bas, on a toujours un tracas. Et nous, vivons toujours dans la crainte. Mais comme elle est bien contrôlée. Si, contrôlée, ou la vie, tellement bien contrôlée, mais ils sont malades quand même. Mais après, c'est suivi, et ça est dans la nature. Ou sinon, dans le monde, nous ne connaissons pas. Mais ça nous est sûr, nous sommes créatifs. Et nous aimons nos voisins. Nous aimons tout le monde est éleveur. Et nous vivons dans la même créativité. Gilbert Robert, un voisin de l'élevage de pitons fougères, interrogé par Rabia Issa. Les résultats des analyses seront connus en milieu de semaine. Santé, toujours, c'est une affection universelle rare. Elle touche une personne sur 20 000. Aujourd'hui, c'est la journée internationale de sensibilisation à l'albinisme. En France, 80 personnes naissent chaque année avec cette particularité génétique, une absence de pigments dans la peau, les cheveux et les yeux. Objectif de cette journée, lutter contre les croyances dans certains pays d'Afrique. Les albinos font l'objet de véritables chasses à l'homme. Le radar de l'avenue Léopold Rambaud est en service, Laurent. Et oui, depuis cette nuit, il flash les excès de vitesse dans le sens nord-est. Attention, vous n'avez pas le droit de dépasser 70 km/h à cet endroit. Les radars, la solution anti-pousse. La question sera posée ce midi dans C'est dans l'actu avec Philippe Dornier. Pas d'excès de vitesse dans les airs. Le premier vol direct Mayotte-Paris a eu lieu ce week-end. Un vrai gain de temps. Il faut désormais 9 heures pour rallier la capitale depuis Mamoudzou. Mayotte qui était au cœur des discussions ce week-end au ministère des Outre-mer avec un premier point d'étape un an après la mise en place du plan Mayotte 2025. Un tiers des mesures prévues sont déjà en train d'être mises en œuvre. Un plan sur 10 ans qui tarde tout de même à se réaliser selon certains députés maorais. On revient à la Réunion avec l'association humanitaire Cœur et Conscience qui fête ses 10 ans cette année. Une journée festive a été organisée hier au centre Jacques Tessier de la Salines-les-Bains. L'occasion de faire le bilan des actions menées depuis sa création en 2006. Cette association œuvre en faveur des enfants défavorisés. En 10 ans, 850 marmailles ont été parrainées. On passe au sport avec du football et la fin hier de la 7e journée de D1R. La Saint-Pierroise continue son sans faute. 7 matchs, 7 victoires. Hier, c'était face à la Capricorne, 1-0. Les autres résultats du jour, le RC Saint-Benoît a battu la Sainte-Suzanne 2-1. Victoire 1-0 de l'Excelsior sur la petite île. En handball, les finalités débutent aujourd'hui à Paris. La Réunion est représentée par Château-Morange chez les garçons et par la Tamponnaise chez les filles. Le tampon qui affronte les Guadeloupéennes de l'Intrépide à 13h15. Château jouera face au Martiniquais de l'Étoile de Gondo à 10h45. En cyclisme, Julien Maillot a confirmé hier sa forme actuelle après une deuxième place sur la classique des Cannes. Il a remporté hier le Grand Prix du Chaudron. Le coureur du vélo club de Saint-Denis a bouclé les 80 km en 2h19. En course à pied, Loïc Boyer a battu le record du trail de Bellevue. Hier, il a bouclé les 17 km dans les hauteurs de Saint-Denis en 1h42 et 14 secondes. Chez les filles, victoire d'Anaïs Plante. Et puis Jackie, je le sais, vous y étiez ce week-end. C'était la fête du chouchou à Salazie. Une 13e édition sur le champ de foire d'Elbourg qui a réuni entre 30 et 35 5000 visiteurs selon les organisateurs. C'est la fin de ce journal. Place maintenant à l'actualité nationale et internationale avec nos confrères de France Info. Et on va ce matin, Élise Thibault, aux États-Unis. Un acte de haine et de terreur. C'est en ces mots que Barack Obama a décrit la tuerie d'Orlando survenue la nuit dernière dans une boîte de nuit gay de Floride. 50 morts et 53 blessés, ce qui en fait la pire tuerie de l'histoire des États-Unis. Un homme seul est entré dans l'établissement vers 2h du matin. Il a pris en otage les centaines de personnes présentes avant d'être abattu par la police 3h plus tard. Il s'agirait d'un Américain de 29 ans, fils d'un immigré afghan. Il est décrit par ses proches comme homophobe et violent. Ce dimanche soir, une agence de presse proche du groupe État islamique affirme que l'attaque a été commanditée par Daesh. Le suspect, en tout cas, avait été interrogé par deux fois par le FBI pour des propos tenus devant ses collègues faisant l'apologie du terrorisme. Cette tuerie d'une ampleur jamais vue aux États-Unis aura des conséquences directes sur la campagne électorale en cours. Barack Obama et Hillary Clinton ont déjà annulé leur meeting commun prévu ce mercredi. Donald Donald Trump, lui, maintient son discours de ce lundi qui sera centré, dit-il, sur le terrorisme et l'immigration. Les messages de solidarité, eux, affluent de partout dans le monde. François Hollande exprime son soutien total au peuple américain. David Cameron se dit horrifié. Le pape François, lui, condamne la manifestation d'une folie meurtrière et d'une haine insensée, je cite. Les autorités américaines, elles, craignent d'autres actes de violence dans les prochains jours. L'Amérique fête en juin le mois lance dans les prochains jours. L'Amérique fête en juin le mois des fiertes hommes d'une vingtaine d'années qui transportait dans sa voiture de nombreuses armes et des explosifs. Selon la police, il avait bien prévu d'attaquer le rassemblement. Retour en France où la Russie et l'Angleterre sont menacées de disqualification de l'Euro de football. L'UEFA a haussé le ton ce dimanche après les violents affrontements de samedi sur le vieux port de Marseille. Une trentaine de supporters, la plupart anglais, sont blessés. Quatre sont dans un état grave. Les supporters des deux équipes doivent maintenant se tenir à carreau sous peine de sanction. Une autre procédure est aussi en cours contre la Russie à cause des débordements qui ont eu lieu dans le vélodrome au moment du coup de sifflet final. L'Euro côté terrain, c'est trois matchs au programme de ce dimanche. La Croatie a battu la Turquie 1-0, c'était au Parc des Princes. La Pologne s'est imposée sur le même score face à l'Irlande du Nord. Enfin, le plus beau match depuis le début de cet Euro, Allemagne-Ukraine, c'était hier soir. Les Allemands l'emportent 2-0. En Irak, des civils sont parvenus à fuir la ville de Fallujah, bastion du groupe État islamique assiégé par l'armée. Un corridor humanitaire a été ouvert pour permettre à 4000 habitants de s'enfuir et de rejoindre des camps ouverts à quelques kilomètres de là. Mais l'aide humanitaire sur place manque. Un lundi, Mossad est sous les averses. Seul le bassin méditerranéen sera épargné avec des températures là de saison, jusque 27 à Toulon ou Aix-en-Provence. Ailleurs, c'est frais, 19 à Strasbourg et Bordeaux. Il ne fera pas plus de 17 degrés si vous êtes à Paris ou à Quimper. L'info revient à 5h30. Comment il les a toutes? 5h08. Bonjour mon pays, avec quelques petites averses ce matin. Et bien alors que c'est arrivé la pluie, hein, quelques averses qui peuvent encore se produire dans le sud, dans le sud-est, avec d'une ligne allant de Sainte-Rose à Saint-Philippe et dans les hauteurs de Saint-Joseph, quelques gouttes. Et partout ailleurs, quelques nuages qui se partagent le ciel avec de belles périodes ensoleillées ce matin. Par contre, toujours de la fraîcheur. Hein, 7 petits degrés à la plaine des Cafres, 1 degré de moins au gîte de Bellecombe, 6 degrés donc, 18 à 20 degrés sur le littoral. Oui, il fait frais. Côté ciel, pas de grands changements pour l'après-midi, avec toujours quelques nuages dans les hauteurs. Alors, suite à un mouvement de grève à Météo France, les bulletins ne sont pas actualisés régulièrement. Donc la météo, on va la faire ensemble ce matin. Bienvenue sur la première. Réunion première. Bonjour à tous. J'aime tout le monde de JTL, des fans de matin. C'est bon, bougain intelligent, réfléchi, et puis il connaît la vie. Bonjour, Grand matin. Ah bon. Jacky réveille la réunion. Sur Réunion Première. Eh oui. Jacky réveille la réunion. Jacky réveille la réunion avec toute l'équipe de la matinale. Bienvenue à vous, hein. J'espère qu'elle a passé un bon moment avec André Maurice pour Sega Maloya, les standards de la chanson populaire créole. Tous les matins, eh bien, les plus grands succès rétro de La Réunion, c'est sur Réunion Première entre 4h et 5h. Et ensuite, eh bien, c'est le Tout Info avec vous. Alors comme dit Tout Info, divertissement également. Hein. Aujourd'hui, c'est le lundi 13 juin 2016. Bonne fête à Antoine. Alors l'actualité sur la route nous emmène jusqu'à ce nouveau radar sur l'avenue Léopold Rambaud à Saint-Denis. C'est sur le front de mer. Je rappelle que la vitesse y est limitée à 70 km/h. Soyez vigilants. Prisca nous emmènera au marché de Gros à Saint-Pierre aujourd'hui. Premier rendez-vous à 5h45. Et sachez qu'à 7h15, eh bien, c'est Huguette Bello qui répondra aux questions de Philippe Dornier, députée de La Réunion, présidente du PLR, conseillère régionale d'opposition et conseillère municipale d'opposition à Saint-Paul. Nous parlerons bien sûr de l'actualité à La Réunion, le référendum à Saint-Leu, la carrière de Bois Blanc, la nouvelle route du littoral et d'autres sujets. Voilà, donc l'interview sera à suivre en radio et sur internet dès 7h15, puisque Huguette Bello répondra aux questions de Philippe Dornier. Des travaux de nuit ou encore la météo dans votre quartier ce matin, 02 62 99 2000. Priorité à l'information routière, hein, bien sûr, si vous êtes témoin d'un accident ou d'une anomalie sur la route, dans l'espoir qu'il ne se passe rien de grave ce matin. Bienvenue à tous. On va démarrer cette émission avec la très jolie voix de Maya Kamati sur Réunion Première. Bon réveil à toutes et à tous, où que vous soyez. Bienvenue sur la Première. Écris-moi à l'ancienne que je lise entre les lignes. Si les mots font des siennes, si les phrases rechignent, le jeu en vaut la chandelle. Quand le désir trépigne d'impatience rebelle et de faute bénie. Quand la morale s'indigne, que nos prénoms s'épellent en marge des consignes. Écris-moi un petit texto pour me dire qu'il fait 4 petits degrés à la Plaine des Cafres ce matin. Salut Jackie, comment il est? C'est Olive de la Plaine des Cafres, il fait bien fraîche. Effectivement, avec 4 petits degrés ce matin. Belle journée à toutes, belle journée à vous également, hein. Merci pour votre message. 06 92 608 335. À 8h50, à 6h50, vous aurez les pronostics de Pascal Maillot et du Fouineur du Gire. Par contre, eh bien, à 7h de la journée, bien matinale, eh bien, voici l'arrivée du quintet dans l'ordre pour gagner hier. Alors hier, c'était à Auteuil, hein, pour la course en ce qui concerne le PMU. Il fallait miser sur le 2, le 6, le 8, le 7 et le 16. Le 2, le 6, le 8, le 7 et le 16. Donc 6h50, puis à 9h58 pour les pronostics de Pascal Maillot, ainsi que ceux du Fouineur du Zir. Et l'arrivée, ce sera cet après-midi. Après le journal de France Info, vous savez, dans l'émission 15-18 avec Isabelle et Mickaël sur Réunion Première. Pour que le jour reste un plaisir, jouons responsable. Le rappel des courses sur www.lapremière.fr. Première. Chloé sur Réunion Première. Je vais vous offrir un petit peu de rêve pour poursuivre tout en douceur cet après-midi. Dans les nuages, légèreté, souvenirs, la musique, la formation, les infos pratiques, la météo du monde, Madagascar, au Chili, Santiago, à New York, en Guyane, 13h, 15h. Premier service sur Réunion Première. Première. Premier service avec Chloé sur Réunion Première. C'est votre mission. Tous les jours de 13h à 15h, et avant cette émission, il y a C'est dans l'actu. Et là, oui, effectivement, c'est bel et bien dans l'actualité, les radars, est-ce que c'est la solution anti-pousse ? On en parle aujourd'hui. Alors, il y a le radar du boulevard Léopold Rambaud qui est mis en service ce lundi, mais certains riverains ne sont pas complètement satisfaits. Donc, on en parle aujourd'hui entre 12h15 et 13h. C'est dans l'actu avec Philippe Dornier et ses invités. D'ailleurs, on peut en parler dès maintenant, si vous le souhaitez, au 99 2000. C'est le numéro pour joindre le standard de Réunion Première. Bon réveil. Allez, où ça vous venez nous la main. Let's move and get it on. Jacking réveille la Réunion. Sur Réunion Première. De toute façon, je suis pas au derrière, je connais comment elle est. Hein. Wow. Just like they say in the song. Viens nous voir réveiller à wow. Let's move and get. En tout cas, il y a un train avant de m'envoler. Viens boire un café avec nous. La Réunion qui se réveille en douceur ce matin. Où que vous soyez, bienvenue sur la première. Voici Adèle. Hello. Hello. It's me. If after all these years you'd like to meet, to go over everything. They say the time's supposed to heal ya, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and a million miles. Hello from the other side. I must have called a thousand times to tell you I'm sorry for everything that I've done. But when I call you, never seem to be home. Hello from the outside. At least I can say that I'm trying to tell you I'm sorry for breaking your heart. But it don't matter, it clearly doesn't tear you apart anymore. Hello, how are you? It's so typical of me to talk about myself. I'm sorry. I hope that you're well. Did you ever make it out of that town where nothing ever happened? It's no secret that the both of us are running out of time. So hello from the other side. I must have called a thousand times to tell you I'm sorry for breaking your heart. But it don't matter, it clearly doesn't tear you apart. transmet de l'émotion ce matin. Adèle, hello, hello à toutes et bienvenue sur Réunion Première. Great is the majesty and Selassie, I, Jarastafari. Salut tout le monde, salut toute bonne routier, écoute à nous ce matin. Bob Marley, One Love, c'est sur la première. Bon réveil. Allez, Rod Pouba, arrête, frère. Si le port, il fait 19 degrés ce matin. Yannick, bon réveil, le frère. Jackie, réveille la Réunion. Il faut donner pour aller. Grand matin, Jackie Revelle sur Réunion Première. Viens chercher. Et viens chercher, mes amis. Salut Hakim. Hakim de Saint-Denis qui souhaite un joyeux anniversaire à sa chérie Rachida. Il y a un mot bien fort, hein. Un joli message ce matin au 06 82 608 335. Bienvenue sur la première. Une belle chanson. Voilà, rappelle-nous de bons souvenirs. Mauvais temps avec, enfin, bon souvenir. Patrick Petit sur la première. La rivière coule bord en bord. Quel côté il va les virer? L'eau jolie va ni mauvais. M'a prend mon paquet mal et dans les roues. La rivière coule bord en bord, quel côté il va dévirer? L'eau jolie il va ni mauvais, on m'apprend mon paquet mal et dans les hauts. Dans le mauvais temps là, pas trop bon vivre la rivière. Gramoun l'a toujours dit, dans le mauvais temps là, quasi ça va. Dans le mauvais temps là, pas trop bon vivre la rivière. Le temps cyclone, fini mauvais, ou t'engages, t'engages. Tibango, tibango. Diamant que l'arrivée, Tibango, Tibango, mais de l'eau qu'on m'a la montée, Tibango, Tibango, diamant que l'arrivée ou là, que l'arrivée là, Tibango, Tibango, diamant que l'arrivée, Tibango, Tibango, mais de l'eau qu'on m'a la rentrée, Tibango, Tibango, diamant que l'arrivée là, que l'arrivée là. On m'apprend mon paquet mal et dans les roues. La rivière coule bord en bord. Quel côté il va raviner? Le jour il va ni mauvais. On m'apprend mon paquet mal et dans les roues. La population. La cause c'est la crève. Ou avance pas la case, bâtiment dans la rivière. La population, la cause c'est la crève. Le temps en cyclone, fini mauvais ou t'en gaz, tibango, tibango. Jamais fait l'arrivée, tibango, tibango. Mais de l'eau comme à la montée, tibango, tibango. Jamais fait l'arrivée là, fait l'arrivée là. Tibango, tibango, jamais fait l'arrivée, tibango, tibango. Mais de l'eau fini puis monter, tibango, tibango. Jamais fait l'arrivée là, fait l'arrivée là. Mon parc la fin fin s'avirer, mon bon volaille de le l'emporter, mon morceau terrain, glissement ça la partie. Mon parc la fin fin s'avirer, mon bon volaille de le la râler, mon morceau terrain, glissement ça la partie. Tibango, tibango, diamant fait l'arrivée. Tibango, tibango, mais de l'eau comme à la montée. Tibango, tibango, diamant fait l'arrivée là. Qu'il arrive là, tibango, tibango, jamais qu'il arrive, tibango, tibango, mais de l'eau comme à la montée, tibango, tibango, jamais qu'il arrive là, qu'il arrive là, tibango, tibango, jamais qu'il arrive, tibango, tibango, mais de l'eau comme à la rentrée. Tibango, tibango, jamais que l'arrivée là, que l'arrivée là. Tibango, tibango, jamais que l'arrivée. Tibango, tibango. Les Gaillards, hein, Patrick Petit et les Pats Band sur Réunion Première avec Mauvais Temps. Bientôt 5h30, on va saluer Willy de Saint-Paul. Bonne journée. Salut toute Dominique de Réunion Première, que vous soyez dans le nord, dans le sud, dans l'est, dans l'ouest, ou encore dans la fraîcheur des cirques ce matin. Bon courage au Mac, bon courage à la plaine des Cafres, où il fait bien frais aujourd'hui. Alors si dans l'actualité nationale et internationale, on reviendra sur Daesh qui revendique la tuerie d'Orlando en Floride. Donc le prochain journal de France Info sur Réunion Première, ce sera aux alentours de 7h10. Il est 5h30, bienvenue à toutes et à tous, l'essentiel de l'actualité à La Réunion, avec Florent Marot. Bonjour Florent. Bonjour Jackie, bonjour à tous. C'est le chiffre du jour, 81%, une large majorité de Saint-Lausiens ont dit non hier à la carrière de Bois Blanc. Un résultat à relativiser, la participation pour cette consultation populaire dépasse à peine les 28%. 7194 votants sur les quelques 25 600 inscrits. Thierry Robert avait fait campagne pour le non contre l'exploitation de roches massives à Bois Blanc. Et pour aller plus loin, notamment sur l'avenir de la nouvelle route du littoral, nous reviendrons sur ce référendum à Saint-Leu avec l'invité de la matinale. Philippe Dornier reçoit aujourd'hui Huguette Bello, députée et présidente du PLR. On parlera aussi du logement et de la loi travail. Un mouvement de grève nationale est prévu demain. À La Réunion, un défilé est programmé à Saint-Denis entre le Petit Marché et la préfecture. Les 7000 poulets d'un élevage de pitons fougères dans les Hautes-Sainte-Marie ont été abattus. Hier, une maladie aviaire de Newcastle ou d'Afluenza a été suspectée. C'est très contagieux mais sans danger pour l'homme. La gendarmerie et la DAF n'ont voulu prendre aucun risque. Les résultats des analyses seront connus en milieu de semaine. Prudence si vous devez emprunter l'avenue Léopold Rambaud. Et oui, ça se trouve à Saint-Denis. Le nouveau radar est en service depuis cette nuit. Il flash les excès de vitesse dans le sens nord-est. Attention, vous n'avez pas le droit de dépasser 70 km/h à cet endroit. Les radars, la solution anti-pousse. La question sera posée ce midi dans C'est dans l'actu avec Philippe Dornier. On passe au sport avec du football. Et la fin hier de la 7e journée de D1R. La Saint-Pierroise continue son sans faute. 7 matchs, 7 victoires. Hier, c'était face à la Capricorne, 1-0. Les autres résultats du jour, le RC Saint-Benoît a battu la Sainte-Suzanne 2-1. Victoire 1-0 de l'Excelsior sur la Petite Île. En cyclisme, Julien Maillot a confirmé hier sa bonne forme actuelle. Après une deuxième place sur la Classique des Cannes, il a remporté hier le Grand Prix du Chaudron. Le coureur du vélo-club de Saint-Denis a bouclé les 80 km en 2h19. En course à pied, Loïc Boyer a battu le record du trail de Bellevue. Hier, il a bouclé les 17 km dans les hauteurs de Saint-Denis en 1h42 et 14 secondes. Chez les filles, victoire d'Anaïs Plante. Et puis, ce week-end, c'était la fête du chouchou à Salazie, une 13e édition sur le champ de foire d'Elbourg qui a réuni entre 30 et 35 000 visiteurs, selon les organisateurs. Florent Marot. L'info revient à 6h. Bon, qui sait gagner avec de l'eau frais grand matin là? Comment il fait frais, c'est hier? 4 degrés à la plaine des Cafres, 6 degrés au gîte de Bellecombe, 18 à 20 degrés sur le littoral avec quelques brises pour l'instant, un vent qui risque de se renforcer. Alors on a quelques averses qui peuvent encore se produire dans le sud-ouest, de Sainte-Rose à Saint-Philippe et dans les hauteurs de Saint-Joseph. Partout ailleurs, et bien nuages, éclaircies se partagent le ciel. Cet après-midi, pas de grands changements, hein. Toujours quelques nuages dans les hauteurs. Alors, suite à un mouvement de grève à Météo France, les bulletins météo ne sont pas actualisés régulièrement. On fait la météo avec vous, aujourd'hui sur la première. Bienvenue. Vous êtes perdus, car vos chefs sont aveugles. C'est aïe ça? C'est qui le chef là-bas? Le chef. Ta vie est sans mou. Jacky réveille la réunion. On m'a envoyé ces mails, on m'a fait appeler un coup. Mais parce que chaque jour, à où est-ce qu'il se casse, tu mets un long délit de toute matinée. Aïe. On nous lève, c'est noir, on peut écrire à nous un peu de causement, un peu de la blague. Qui sont contre tout, pour tout. Chaque fois qu'il s'agit d'avancer, chaque fois qu'il choisit. Bah, quel coco? Coco de l'eau. Quel de l'eau? De l'eau rivière. Quelle rivière? Rivière Saint-Jean. Quel Saint-Jean? Saint-Jean Baptiste. Quel Baptiste? Baptiste Coco. Quel coco? Coco de l'eau. Quel de l'eau? De l'eau. Ah, bien. Quel coco de l'eau, quel de l'eau la rivière. Bonjour à toutes, bonjour de monde la rivière. Écoute à nous là, comment il est Saint-Louis? Allez bien. Salut Saint-Benoît, salut bien toute quartier la Réunion. Il réveille avec Réunion Première, Saint-Denis, Saint-Suzanne, Salazy, puis ton texto là-haut là-bas. Saint-Benoît, Saint-Rose, Saint-Philippe, Saint-Joseph, comment il est Saint-Pierre, Saint-Louis, Sillaos. Encore les Avirons, Saint-Leu, Mafat. Le port ou encore Saint-André, bienvenue sur Réunion Première, bon réveil. Voilà, j'espère que tout se passe bien pour vous ce matin. Nous irons au marché de gros à Saint-Pierre tout à l'heure, prendre un petit peu la tendance, vous voyez, c'est un peu la plaque tournante des fruits, des légumes, connaître un petit peu les prix, tout ça là, ce sera avec Prisca dans 10 minutes précisément sur Réunion Première. Si vous connaissez quelqu'un qui s'appelle Antoine, n'oubliez pas Sotali, une bonne fête en ce lundi 13 juin. Et puis l'actualité, c'est aussi son nouveau radar hein, sur l'avenue Léopold Rambaud à Saint-Denis. Je vous rappelle que la vitesse est limitée à 70 km/h. Restez vigilants sur la route. You and Ten Sharp, Ben Mouna, tu longtemps. C'est un bon souvenir sur la première. Bon réveil. It's all right with me. As long as you are by my side. Or just say nothing, I don't mind. Your looks never lie. I was always on the run, finding out what I was looking for. And I was always insecure. Hôtel La Réunion est donc, oui, You Ten Sharp en souvenir sur la première. 5h38 minutes. Salut, comment il est toute La Réunion? Il fait frais, mais continue, fait plane à nous. Salut, 6 degrés à la petite ferme, à la plaine des Cafres. Point de rosée, moins 1 degré, si au mont du Givre dehors, à yo moment. Hôtel La Réunion. Petite ferme, fait bien frais là-haut, hein. Je vous redirai ça dans un instant. Béat un gondin de petite ferme ce matin au 608-335. Tous vos messages par texto en direct, le 02-62-99-2000. On chante l'amour sur la première route de l'amour. Ornelle, bon réveil. Chanson remplie d'espoir, je l'espère du moins. Ornelle, Out l'amour sur Réunion Première. On parle de l'actualité à La Réunion. Saint-Leu dit non à la carrière de bois blanc. Ils se sont prononcés contre le projet à 81%. Une large majorité donc pour cette consultation populaire, la première organisée à La Réunion. Un résultat à relativiser tout de même. La participation dépasse à peine les 28%. Donc on y reviendra sur cette information dans le prochain journal de la rédaction de Réunion Première. qui arrive dans un peu plus de 15 minutes. Le journal sera présenté par Florent Marot. Avant le journal, bien sûr, l'horoscope. Il y aura les informations pratiques qui concernent vos quartiers, mais aussi les avis de décès. Comme chaque jour, du lundi au vendredi, eh bien, on prend la direction des marchés de notre île. Aujourd'hui, Prisca a choisi le marché de Gros à Saint-Pierre. Elle nous y invite dans un court instant sur la première. À tout de suite. Première. Vous êtes souvent pessimiste ? Je ne suis pas pessimiste, je suis concret. Moi, je suis offensif. Je ne suis pas un dinosaure de la politique. Devant La Réunion, c'est l'émission politique de la rédaction. Un invité, 45 minutes d'interview, tous les lundis soirs à 18h15. Devant La Réunion, le magazine politique de la rédaction. Sur Réunion Première. Samedi 18 juin, à Petite-Île, les agrumes font une escale en musique au pays du terroir. Dès 9h, découvrez les produits de nos agriculteurs et de nos artisans sur un marché haut en couleurs. Profitez du stand tourisme de Destination Sud Réunion et de visites guidées gratuites. Le 18 juin, le plein de vitamines, c'est à Petite-Île, où ça nous ça va, en concert à 20h30. Plus d'infos sur www.sud.réunion.fr. Première. Faites le plein de saveurs en direct du marché avec Espace Fraîcheur. Allez, 6h moins le quart, l'île de la Réunion prend tout de suite la direction du marché de Gros à Saint-Pierre. Bonjour Prisca. Bonjour Jackie, comment ça va? Super, bien, passe un bon week-end à Oumain, oublie bien. Bah écoutez, oui, tout va bien ici. Vous savez que la première grosse activité de la Réunion démarre dans le sud. Et ici au marché de Gros, avec le palais des camions. Mais c'est très calme aujourd'hui, monsieur Sabine. Bonjour. Oui, oui, oui, calme. On voit au niveau de l'activité commerciale, c'est pas terrible. C'est dû à la période hivernale? Oui, peut-être. Accumulation de beaucoup de choses. C'est la période des communions. Les gens sont quand même très, très pris. Oui, tout est au ralenti. Hein. On a l'impression que tout est ralenti. Mais on subit aussi le problème climatique. Oui, oui. Mais bon, il y a quand même quelques agriculteurs qui résistent. Heureusement pour nous. Hein. Qu'est-ce qu'il y avait ce matin sur le marché de Gros? Bah, il y avait pas mal de tomates. Alors la tomate, depuis une dizaine de jours, il y a des quantités, alors qu'on pensait que ça allait chuter avec la pluie. Oui, le prix est intéressant pour le consommateur. Oui, oui, tout à fait, parce que la caisse de tomates a bien baissé. C'était entre 15 et 20 jeudi dernier la caisse. Donc, voilà. Mais c'est bizarre parce que c'est une saison où d'habitude ça remonte au niveau des prix. Donc comme vous dites, les consommateurs, faut qu'ils en profitent. Bon, par contre, il y a un souci avec l'IPI, l'Union Pays, le thym aussi. Ah bah oui, très peu. Alors l'IPI, c'est pas trop la saison en ce moment, il y en a pas. Mais l'oignon, d'habitude, on en a plus en pays. Mais il y a eu des gros problèmes de semences d'oignons où il y a peu de production. Très peu de production. Attention, on va quand même se mettre à l'abri parce que vous savez que les camions rentrent et sortent ici. Ils n'ont pas vraiment trop le temps de s'arrêter parce qu'ils vont repartir là, les bazardiers, hein, pour très vite. Et ils veulent avoir la route libre encore, donc ils partent le plus vite possible pour pas être embêtés encore par les bouchons. On va leur souhaiter bonne route en direct, bien connecté sur Réunion Première. Et puis Jackie, vous savez que cette semaine, c'est une semaine particulière, puisque nous allons mettre tous les papas en l'air sur Réunion Première. Monsieur Sabine, vous êtes vous-même papa? Oh oui, quatre belles auréoles. Un message alors pour la Réunion, pour cette fête? Oui, oui, oui, ben bonne fête à tous les papas et qu'on les fête un petit peu plus que les mamans pour une fois. Oh, ben écoutez, hein, une semaine hein, pour fêter les papas, mais la fête des papas c'est tous les jours. Sur Réunion Première, Jackie. Ah oui, sans même oui, ben avec un peu d'avance. Bonne fête à monsieur Sabine en direct du marché de Gros à Saint-Pierre. Merci Prisca. On vous donne rendez-vous ce matin aux alentours de 6h20. Il y aura un bon cadeau d'une valeur de 20€ à gagner. Et puis on va noter que l'IPI n'a point du tout en ce moment, ou très très peu. Pareil pour l'Oignon Pays. Donc rendez-vous à 6h20 ce matin, toujours dans le sud, Prisca. Faites le plein de saveurs en direct du marché avec Espace Fraîcheur. Attention, si vous habitez à Saint-Pierre, il va y avoir une coupure d'électricité aujourd'hui. Pareil pour Saint-André et des coupures d'eau qui sont prévues à Saint-Louis. Je vous en parle sur Réunion Première après les avis de décès. Les avis de décès avec Réunis Solidarité, Mutuelle Obsèque et Complémentaire Santé. À l'entre-deux, Réunion Première vous fait part du décès de Monsieur Robert Théophile. Décès survenu le 8 juin, à l'âge de 82 ans. Le convoi mortuaire partira de l'EHPAD de l'Entre-Deux ce jeudi. La bénédiction aura lieu ce jeudi à 14h en l'église de l'Entre-Deux. L'inhumation au cimetière de Saint-Pierre. Au port, Réunion Première vous fait part du décès de Madame Préville, Josette Marie, née Azélie. Décès de Madame Préville, Josette Marie, née Azélie. Décès survenu à l'âge de 68 ans. Le convoi mortuaire sortira du centre funéraire de Bois-Rouge Sainte-Marie à 14h cet après-midi. La bénédiction aura lieu à 15h en l'église de Jeanne d'Arc du Port et sera suivie de l'inhumation au cimetière paysager du Port. À Saint-Denis, Réunion Première vous fait part du décès de Monsieur Waraud Antoine Joseph Victor. Décès de Monsieur Waraud Antoine Joseph Victor. Décès survenu le 11 juin, à l'âge de 70 ans. Le convoi mortuaire sortira du centre funéraire de Prima à Saint-Denis à 10h30 ce matin. La bénédiction aura lieu à 10h au centre funéraire de Prima à Saint-Denis. L'inhumation se fera au cimetière de Bois-Rouge à Sainte-Marie. Réunion Première vous fait part du décès de Madame Maillot, née Rossignol, Anne-Marie. Décès de Madame Maillot, née Rossignol, Anne-Marie, décédée hier à l'âge de 70 ans. Le convoi mortuaire sortira de son domicile, 52 lotissement de l'église 2 à Sainte-Anne. La bénédiction aura lieu en l'église de Sainte-Anne, l'inhumation au cimetière du même lieu. L'heure des obsèques vous sera précisée ultérieurement. Réunion Première vous fait part du décès de Monsieur Fontaine Ange Rico. Décès de Monsieur Fontaine Ange Rico, décédé hier à La Possession. La veillée mortuaire se tiendra à la chapelle ardente de la commune de La Possession. Les obsèques auront lieu en l'église de La Possession à 15h cet après-midi. L'inhumation au cimetière de La Possession. Réunion Première présente aux familles endeuillées ses sincères condoléances. Les avis de décès avec Réunis Solidarité, Mutuel Obsèques et Complémentaire Santé. Et avant d'écouter votre horoscope, avant le journal de 6h également, voici les infos pratiques qui concernent vos quartiers. Alors c'est un communiqué d'EDF qui vous informe que vous serez privé d'électricité aujourd'hui, lundi 13 juin, à Saint-Pierre. De 8h30 à 14h30, dans la rue de la Poudrière, en partie. Donc Saint-Pierre, 8h30, 14h30, pas d'électricité dans la rue de la Poudrière, en partie aujourd'hui. Ensuite, donc aujourd'hui même, à Saint-André, de 8h30 à midi, dans l'allée Zelmar, en partie, ainsi que dans la rue El Sami. Saint-André, 8h30, midi, pas d'électricité dans ces secteurs. Coupure d'eau à présent, donc à Saint-Louis pour aujourd'hui. Donc à Saint-Louis, dans l'avenue Raymond Vergès, chemin de l'Océan, chemin Virapin, rue des Pétrelles, rue Fémy, rue Saint-Philippe et toutes les voies adjacentes. Alors c'est une coupure d'eau qui aura lieu à partir de 22h cette nuit et la remise en eau est prévue à partir de demain matin 6h dans les quartiers que je viens de vous citer, donc à Saint-Louis. Coupure d'eau donc ce soir à partir de 22h et remise en eau demain matin à 6h. Coupure d'eau également, cette fois donc à Saint-Denis pour aujourd'hui à partir de 8h30. Alors c'est pas pour aujourd'hui, c'est pour demain, pardon. Donc 8h30, coupure d'eau à Saint-Denis, dans l'avenue Stanislas Gimard en partie. Chemin Finette, partie basse, impasse des Moutardiers, impasse du Jardin, route de Bois de Nèfle en partie, partie comprise entre la rue de la Clinique et dans la rue des Amaryllis, rue des Artisans, rue des Vavangs, rue Tessan, partie haute, ruelle des Béliers, CFA Léon Legros, station Shell, boulevard Sud, ainsi que dans les voies adjacentes. La remise en eau est prévue à partir de 17h30. Donc coupure d'eau dans ces secteurs demain dès 8h30 et ce jusqu'à 17h30, sauf incident bien sûr. Toujours une coupure d'eau prévue cette fois pour mercredi. Alors pour mercredi à Sainte-Suzanne, dans le chemin Bassin de Boue, chemin Camp des Évis, chemin Commune Bègue et voies adjacentes, chemin de Palmas, chemin de Ruisseau, chemin Émile Morel, chemin Montrose, partie basse, ainsi que dans les voies adjacentes, chemin Saffaire de Rive, impasse Saint-Jean, rue des Capucines, rue des Deux Rives, rue des Muguets, rue Duguin, rue Gamonga, rue Guinassot. Nous sommes toujours à Sainte-Suzanne et ça concerne donc maintenant la rue Laurent d'Amour, rue Marchande, rue Pablo Neruda, rue Raymond Vergès, dans la rue Saramito, rue Sarda-Garriga, ruelle des Ananas, lotissement Michel Técher, lotissement Les Florianes, commune Caron, commune Angot. La remise en eau est prévue ce mercredi, donc à 18h. Donc je vous rappelle, donc c'est à Sainte-Suzanne ce mercredi. Coupure d'eau dans ces secteurs de 8h à 18h, sauf incident, bien sûr, pour la remise en eau. Communiqué à présent, donc c'est la 13e édition de la Journée mondiale des donneurs de sang. Donc c'est ce mardi 14 juin, demain donc, de 9h à 17h au parc des expositions Auguste Legros à la Nordève Saint-Denis. Chaque année, eh bien, cette journée mondiale est synonyme de collecte festive pendant laquelle seront proposées de nombreuses animations telles que kiné, bar à jus de fruits, animations. Il y aura aussi des jeux pour enfants, des animations musicales et d'autres surprises. Donc voilà, on vous donne rendez-vous demain mardi, de 9h à 17h, donc au parc des expositions Auguste Legros à la Nordève à Saint-Denis. Et puis sachez qu'une émission spéciale y sera consacrée aujourd'hui entre 8h15 et 9h, puisqu'à la veille de cette journée mondiale des donneurs de sang, eh bien, les invités pourront parler Hervé Renard, le directeur de l'établissement français du sang, et Nathalie Grondin, responsable communication de l'EFS à Saint-Denis. Nathalie Soubadou également sera des nôtres, la marraine de la manifestation, et Claude-Marie et Fatima Safi, des bénévoles. Donc vous prendrez la parole aujourd'hui au 02 62 99 2000 de 8h15 à 9h à ce sujet avec Claude Montané dans Allo Première. Voilà pour les informations pratiques. Réunion Première, cet espace est le vôtre. Vos communiqués, vos messages par fax au 02 62 40 68 33 ou par mail à avis@francetv.fr. Salut La Réunion, comment il est météo à Langevin, Saint-Joseph, 20 degrés, il fait beau puisqu'on voit les étoiles, mais encore bien noir, hein. Front froid toute la nuit, mort de rire, route sèche, signé Guylaine qui nous dit bonne route. Alors vos messages, 06 92 608 335, je vous rappelle cette information, vous savez qu'il y a un radar qui a été mis en fonction là à Saint-Denis, sur la rue, le boulevard Léopold Rambaud, la vitesse a toujours été limitée à 70 km/h dans le secteur, pas la peine piler, pour faire peur de camarade qui est juste derrière. Donc voilà, soyez juste vigilants, on reviendra sur cette info, non seulement dans le journal de 6h qui arrive dans 4 minutes, mais aussi avec Yves Gruyer qui sera avec nous dès 6h15. Il faut vivre sur La Première. Voici Chaim. Ah. Une pluie d'étoiles, j'ai hurlé mon amour, je l'aimais comme si plus rien n'existait autour. Peu importe que la nuit tombe, peu importe je cours, j'ai dans l'âme une lueur d'ombre, j'attends ton secours. Nous étions deux. Salut Ghislaine Martin ce matin, salut Brapanon 06 82 608 335. Voici l'horoscope de Juliette. Bonjour, une nouvelle semaine qui recommence. Bon courage, nous sommes lundi, nous fêtons les Antoines aujourd'hui. Moi ce que je vous propose c'est d'écouter ce qui va se passer pour vous. Voici l'horoscope de la première tout de suite. Bélier, vous mettrez beaucoup de cœur à l'ouvrage en ces débuts de semaine. Taureau, on aime votre façon de vous exprimer, elle est spirituelle. Gémeaux, votre charme piquant fera mouche à tous les coups. Cancer, vous n'impressionnez plus personne, sachez-le, et évitez donc les menaces. Lion, vous commencez à faire véritablement des différences entre les gens que vous aimez, et cela pourrait en blesser certains. Vierge, vous êtes de charmante compagnie. Balance, mettez un frein aux sorties, surtout celles nocturnes. Vous avez de grosses cernes sous les yeux. Scorpion, en famille ou entre amis, vous brillez, notamment par votre humour. Sagittaire, vous prenez vraiment la mouche pour un rien en ce moment. Capricorne, vous allez changer les plans à la dernière minute et attention, cela pourrait être dangereux. Verseau, vous profiterez de tous les plaisirs que vous offre la vie en ces débuts de semaine. Poisson, vous observez, vous étudiez, mais après, vous vous lancez. Très belle journée à tous et à toutes. Eh bien, aussi pareil, bonne journée. Juliette pour l'horoscope sur Réunion Première ce matin. Bon réveil, que vous soyez dans le nord, dans le sud, dans l'est, dans l'ouest, ou encore dans les cirques, c'est l'heure de s'informer. Il est 6h à La Réunion, bienvenue. Le journal de la rédaction est présenté par Florent Marot. Bonjour Florent. Bonjour Jackie, bonjour à tous. Ils ne sont qu'un sur trois à s'être exprimés, mais les Saint-Leuziens ont dit non à la carrière de bois blanc, non à 81%. Thierry Robert se dit satisfait, ses opposants aussi, vu les 28% de participation. Un reportage à suivre. C'est une particularité génétique qui touche une personne sur 20 000. Aujourd'hui, c'est la journée internationale de sensibilisation à l'albinisme, une absence de pigments dans la peau, les cheveux et les yeux. On en parle dans ce journal. On parlera aussi du bac, J-2 avant l'épreuve de philosophie. 11 450 lycéens sont inscrits cette année. Ce week-end, c'était la fête du chouchou à Salazy, une 13e édition sur le champ de foire d'Elbourg qui a réuni entre 30 et 35 000 visiteurs selon les organisateurs. Et puis en sport, football, la Saint-Pierroise continue son sans faute en D1R. Tous les résultats à la fin de cette édition. On parlera aussi de cyclisme avec le Grand Prix du Chaudron. Réunion Première, Florent Marot. Saint-Leu a donc dit non à la carrière de bois blanc. Les Saint-Leuziens se sont prononcés contre le projet à 81%. Une large majorité donc pour cette consultation populaire, la première organisée à La Réunion. Un résultat à relativiser tout de même. La participation dépasse à peine les 28%. 7 194 votants sur les quelques 25 600 inscrits. Thierry Robert avait fait campagne pour le non. Le député-maire de Saint-Leu est contre l'exploitation de roches massives à bois blanc. Pierre Comorassamy. Une fois n'est pas coutume, hier soir dans les deux camps, celui du non comme celui du oui, on était satisfait des résultats du scrutin. Le député-maire Thierry Robert, par exemple, ne veut retenir que l'écrasante majorité de non. Ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est quand même 81% de la population saint-leuzienne a dit non à la carrière. Chez les pro-carrières, par contre, on ne jure que par le taux de participation, 28%. Une participation qui sonne comme un désaveu pour Thierry Robert, estime Jonathan Rivière, vice-président du syndicat des terrassiers. Aujourd'hui, le maire s'est retrouvé qu'avec 28% de votants et que 5000 personnes sur 25000 qui a voté. Donc c'est pas représentatif. Une analyse des chiffres de participation que le député-maire de Saint-Leu ne partage pas. Et pour cause. Il y a aussi une différence en fonction des lieux géographiques où habite la population. Vous avez du côté de Bois-de-Neuf, du côté de Bois-Blanc, du côté de Portail, etc. 45% de participation dans les bureaux de vote. Et puis, du côté de la Chaloupe, de l'autre côté là-bas, 15%. Mais c'est tout à fait normal. Et Thierry Robert de prévenir, si l'autorité préfectorale ne tient pas compte de cette aspiration de la population, il sera à leur côté pour continuer le combat. Aujourd'hui, les gens se sont exprimés dans les urnes. Après, les gens peuvent aussi s'exprimer autrement. Et pour aller plus loin, notamment sur l'avenir de la nouvelle route du littoral, nous reviendrons sur ce référendum à Saint-Leu avec l'invité de la matinale. Philippe Dornier reçoit aujourd'hui Huguette Bello, députée présidente du PLR. On parlera aussi logement et de la loi travail. Un mouvement de grève nationale est prévu demain. À La Réunion, un défilé est programmé à Saint-Denis entre le Petit Marché et la préfecture. Les 7000 poulets d'un élevage de pitons fougères dans les Hauts-de-Sainte-Marie ont été abattus hier. Une maladie aviaire de Newcastle ou d'influenza a été suspectée. C'est très contagieux, mais sans danger pour l'homme. La gendarmerie et la DAF n'ont voulu prendre aucun risque. Les résultats des analyses seront connus en milieu de semaine. Santé, toujours, c'est une affection universelle, rare, elle touche une personne sur 20 000. Aujourd'hui, c'est la journée internationale de sensibilisation à l'albinisme. En France, 80 personnes naissent chaque année avec cette particularité génétique, une absence de pigments dans la peau, les cheveux et les yeux. D'ailleurs, la plupart des albinos sont malvoyants. C'est le cas d'Alexin Cuvelier, 50 ans et formateur en informatique. Il doit faire attention au quotidien. On a 850 enfants qui sont parrainés. On a un impact sur environ 4000 personnes parce que pour un enfant parrainé, les membres de la famille deviennent des ayants droit. Ça veut dire qu'ils ont accès au cabinet dentaire, qu'ils ont accès... Et nous allons revenir donc sur cette journée de sensibilisation, les aléas du direct évidemment, la sensibilisation à l'albinisme. Elle touche une personne sur 20 000. La plupart des albinos, je vous le disais, sont malvoyants. On va entendre Alexin Cuvelier, 50 ans et formateur en informatique. Je vous le disais, il doit faire attention au quotidien. Devant un truc blanc, quand on a néon en l'air ou bien quand on a soleil, c'est tout la Réunion. Le soleil est un peu plus blanc qu'en France, par exemple. Ça, c'est gênant. Donc, on a tendance à pleurer. Ils disent pleurer, les larmes, ils coulent. Et là, mieux voit qu'on a accroché avec le t-shirt, les lunettes de soleil aussi. Voilà, les verres spéciales. Donc, ça y atténue la... La luminosité blanche. Et pourquoi consulter beaucoup de dermatos? Parce que la peau, il brûle plus facilement. Est-ce que nous peut dire ça comme ça? Oui, parce que pas albinos, il arrive, ça va, il est au soleil, donc son peau, il bronze. À nous, la peau va rougir. Si nous restons encore plus longtemps, on aura des croûtes. C'est pour ça qu'il faut nous protéger, nous, avec des crèmes solaires de haute protection. Alexin Cuvelier, un Saint-Paulois atteint d'albinisme, il est interrogé par Mélodie Nourry. Objectif de cette journée de sensibilisation, lutter évidemment contre les croyances. Dans certains pays d'Afrique, les albinos font l'objet de véritables chasses à l'homme. Dans le reste de l'actualité, l'association humanitaire Cœur et Conscience fête ses 10 ans cette année. À cette occasion, une journée festive a été organisée hier au centre Jacques Tessier de la Salines-les-Bains. L'occasion de faire le bilan des actions menées depuis sa création en 2006. Cette association œuvre en faveur des enfants défavorisés. Et aujourd'hui, Amédée Louis Fernand, président fondateur de Cœur et Conscience, est fier du chemin parcouru. On a 850 enfants qui sont parrainés. On a un impact sur environ 4000 personnes parce que pour un enfant parrainé, les membres de la famille deviennent des ayants droit. Ça veut dire qu'ils ont accès au cabinet dentaire, qu'ils ont accès au cabinet médical, qu'ils bénéficient de l'accompagnement social, de formation, etc. On a environ 750 parrains et marraines. Sur ces 750 parrains et marraines, on en a 400 à La Réunion. Et si ça fonctionne, c'est parce qu'il y a quand même des gens qui ont cru. Il y a aussi un certain nombre de bénévoles à La Réunion qui se sont vraiment impliqué. Et aujourd'hui, on voit le fruit de ce travail. C'est vraiment devenu une aventure collective, Cœur et Conscience. Et c'est sans doute cela qui me fait le plus plaisir, afin que tout ce monde crée une chaîne de solidarité. Amédée Louis Fernand, président fondateur de l'association Cœur et Conscience, au micro Réunion Première de Priscilla et Thève. Le nouveau radar de l'avenue Léopold Rambaud à Saint-Denis est en service depuis cette nuit. Il flash les excès de vitesse dans le sens nord-est. Attention, vous n'avez pas le droit de dépasser les 70 km/h à cet endroit. Les radars, la solution anti-pousse. La question sera posée ce midi dans C'est dans l'actu avec Philippe Dornier. Réunion Première, 6h07, J-2, Florent, avant le coup d'envoi du bac 2016. Eh oui, l'épreuve de philosophie, c'est après-demain. À partir de 10h cette année, 11 450 lycéens sont inscrits, tout bac confondu, généraux et professionnels. Et comme chaque année, deux méthodes s'affrontent chez les futurs bacheliers. Celle qui consiste à réviser en amont et puis il y a ceux qui s'y prennent à la dernière minute. Mais dans tous les cas, difficile d'être détendu à deux jours maintenant de l'examen. Stressée, mais pressée parce que je suis pressée que les examens se terminent. Très stressant bah parce qu'il faut bien apprendre et tout, donc voilà. M'amuse à moi un peu, déstresse un peu parce que à force trop rester dans le cahier va bloquer la tête pour le grand jour. Quoi. Et vous les prêtes? Oui, le seul souci c'est histoire géo, mais bon ça va, tous les autres matières, m'y crains pas trop donc ça va. Dans quel état d'esprit tu abordes cet examen? Je sais pas, ça dépend des moments, on se prend des petits pics de stress parfois, mais globalement ça va. Je me dis qu'il faut pas me mettre la pression tout de suite parce que sinon je me demande ce que ce sera l'année prochaine. Donc je prends ça plutôt cool et je me dis qu'il faut y aller. Donc voilà. Plutôt détendu, cool quoi, pas trop de stress. Je me fais pas trop de soucis pour ça, je m'en sors plutôt bien. Je suis pas fort non plus, mais je fais ce que je peux pour avoir la moyenne quoi. Des réactions recueillies par Priscilla Etève et Mélodie Nourry. La philo, c'est donc ce mercredi. Ce week-end, c'était la fête du chouchou à Salazie, une 13e édition sur le champ de foire d'Elbourg qui a réuni plusieurs dizaines de milliers de visiteurs. Selon les organisateurs, une 60aine d'exposants étaient sur place et parmi eux, des agriculteurs avec leurs légumes frais mais aussi d'autres professionnels de la gastronomie. Cette fête fait du bien chaque année à l'économie du cirque. Selon Mario Moreau, le président du comité des fêtes et traditions, le comité organisateur de l'événement. C'est une fête qui est très attendue par l'ensemble des agriculteurs de Salazie et surtout par les acteurs touristiques de Salazie, parce que c'est vrai que cette fête, elle attire du monde, c'est bien, les gens montent sur Elbourg, viennent visiter, viennent goûter les produits du terroir, ça donne un peu d'oxygène aux acteurs économiques, puisque les chambres d'hôtes se remplissent, les hôtels se remplissent, les restaurants se remplissent et les agriculteurs mettent en valeur leur savoir-faire, leurs produits. Alors une idée du nombre de personnes qui sont venues tout au long de ce week-end? Quand on sait que pour la seule journée de vendredi, on a eu environ 5-6 000 personnes. Samedi, il y avait donc la journée de la troisième jeunesse. Et là, il y avait quand même 40 bus. Donc, je pense que sur les trois jours, allez, on va tabler sur minimum 30-35 000 visiteurs. Mario Moreau, président du comité des fêtes et traditions de Salazie, au micro Réunion Première de Mélodie Nourry. On passe au sport avec du football tout d'abord et la fin hier de la 7e journée de D1R. La Saint-Pierroise continue son sans faute, 7 matchs, 7 victoires. Hier c'était face à la Capricorne, 1-0. Les autres résultats du jour, le RC Saint-Benoît a battu la Sainte-Suzanne, 2 buts à 1. Victoire 1-0 de l'Excelsior sur la Petite-Île. Handball, les finalités débutent aujourd'hui à Paris. La Réunion est représentée par Château-Morange chez les garçons et par la Tamponnaise chez les filles. Le tampon qui affronte les Guadeloupéennes de l'Intrépide à 13h15. À Château jouera face au Martiniquais de l'Étoile de Gondes à 10h45. En cyclisme, Julien Maillot a confirmé hier sa bonne forme actuelle. Après une deuxième place sur la Classique des Cannes, il a remporté hier le Grand Prix du Chaudron. Le coureur du Vélo Club de Saint-Denis a bouclé les 80 km en 2h19. La première partie de course, c'est-à-dire dans les 10-15 premiers tours, c'était dur, c'était sympa, mais trop bien. Bon, pas trop le souffle, et après la pluie est tombée et le circuit était dangereux parce que les bandes blanches étaient glissantes, là, il y a eu au moins 5-6 chutes. Et je ne voulais pas prendre de risque, mais après, comme le terrain l'a sache un peu, à 5 tours de l'arrivée, je me dis bon, il faut décider, il faut partir. Et après, à 5 tours, on m'a fait 4 tours devant, et Brian et Anthony rattrapent pas moi. Brian a fait la descente, il a laissé lancer le sprint, et comme les deux, voilà, il a fait le sprint de Anthony et il a remis dans la main. Voilà. Ouais, écoute, c'est une victoire en duo. C'est une victoire, pour moi, c'est une victoire d'équipe. Julien Maillot, vainqueur du Grand Prix cycliste du Chaudron, interrogé par Olivier de la Richaudie. C'est la fin de ce journal. Place maintenant à l'actualité nationale et internationale avec nos confrères de France Info. Le journal vous est présenté par Élise Thibault. Un acte de haine et de terreur, c'est en ces mots que Barack Obama a décrit la tuerie d'Orlando, survenue la nuit dernière dans une boîte de nuit gay de Floride. 50 morts et 53 blessés, ce qui en fait la pire fusillade de l'histoire des États-Unis. Un homme seul est entré dans l'établissement vers 2h du matin. Il a pris en otage les personnes présentes avant d'être abattu par la police 3h plus tard. Il s'agirait d'un Américain de 29 ans, fils d'un immigré afghan. Il est décrit par ses proches comme homophobe et violent. Ce dimanche soir, une agence de presse proche du groupe État islamique affirme que l'attaque a été commanditée par Daesh. Le suspect, en tout cas, avait été interrogé par deux fois par le FBI pour ses propos tenus devant ses collègues faisant l'apologie du terrorisme. Cette tuerie d'une ampleur jamais vue aux États-Unis aura des conséquences directes sur la campagne électorale en cours. Barack Obama et Hillary Clinton ont déjà annulé leur meeting commun prévu ce mercredi. Donald Trump, lui, maintient son discours de ce lundi qui sera centré, dit-il, sur le terrorisme et l'immigration. Les messages de solidarité, eux, affluent de partout dans le monde. François Hollande exprime son soutien total au peuple américain. David Cameron se dit horrifié. Le pape François, lui, condamne la manifestation d'une folie meurtrière et d'une haine insensée, je cite. Les autorités américaines, elles, craignent désormais d'autres actes de violence. L'Amérique fête en juin le mois des fiertés gays et lesbiennes. Des manifestations sont prévues partout dans le pays. À Los Angeles, hier, un homme a été arrêté en marge de la Gay Pride. L'homme transportait dans sa voiture de nombreuses armes et des explosifs. Selon la police, il avait bien prévu d'attaquer le rassemblement. Retour en France où la Russie et l'Angleterre sont menacées de disqualification de l'Euro de football. L'UEFA a haussé le ton ce dimanche après les violents affrontements de samedi sur le Vieux-Port de Marseille. Une trentaine de supporters, la plupart anglais, sont blessés. Quatre sont dans un état grave. Les supporters des deux équipes doivent maintenant se tenir à carreau sous peine de sanctions. Une autre procédure est aussi en cours contre la Russie à cause cette fois des débordements qui ont eu lieu dans le stade Vélodrome au moment du coup de sifflet final samedi soir. L'Euro côté terrain, c'est trois matchs au programme de ce dimanche. La Croatie a battu la Turquie 1-0, c'était au Parc des Princes. La Pologne s'est imposée sur le même score face à l'Irlande du Nord. Enfin, le plus beau match depuis le début de cet Euro, Allemagne-Ukraine, les Allemands l'emportent 2-0. En Irak, des civils sont parvenus à fuir la ville de Fallujah, bastion du groupe État islamique assiégé par l'armée. Un corridor humanitaire a été ouvert pour permettre à 4000 habitants de s'enfuir et de rejoindre des camps ouverts à quelques kilomètres de là, mais l'aide humanitaire sur place manque. Un lundi, Mossad est sous les averses. Seul le bassin méditerranéen sera épargné, avec des températures de saison, là, jusque 27 à Toulon ou Aix-en-Provence. Ailleurs, c'est frais, 19 degrés à Strasbourg et Bordeaux. Vous n'aurez pas plus de 17 à Quimper ou à Paris. L'info revient à 6h30. Dans 15 minutes, sur Réunion Première, le journal sera présenté par Cécile Thomas. 6h15 à La Réunion. Alors, suite à un mouvement de grève à Météo France, les bulletins ne sont pas actualisés régulièrement. Donc, allons à l'essentiel. Des averses qui peuvent se produire dans le sud-est entre Sainte-Rose, Saint-Philippe, alors jusqu'à Saint-Philippe et dans les hauteurs de Saint-Joseph également, quelques gouttes. Partout ailleurs, eh bien, quelques nuages se partagent le ciel avec de belles périodes ensoleillées. Un beau début de semaine, normalement, pas trop de vent. On a noté quand même 6 degrés, hein, 6 petits degrés à Petite Ferme à la plaine des Cafres. La Vépointe rosée grand matin, moins 1 degré sûrement du Gives dehors. Selon un auditeur ce matin, au 608-335. Et puis 18 à 20 degrés sur le littoral. Côté ciel, pas de grand changement pour cet après-midi, avec toujours des nuages dans les hauts. Jackie réveille La Réunion. Et bien, j'espère que vous avez passé un Gaïa week-end. Bonjour à toutes et bienvenue sur Réunion Première. Jackie pour accompagner les autres avec toute l'équipe de la matinale. Nora Priska en direct du marché de Groix à Saint-Pierre. En ce lundi 13 juin, sachez qu'on fête les Antoine. Alors, il y aura Philippe Dornier également à 7h15. Grand rendez-vous donc à ne pas manquer. 7h15, interview de la matinale avec Huguette Bello, députée de La Réunion, présidente du PLR, conseillère régionale d'opposition et conseillère municipale d'opposition à Saint-Paul. Interview à suivre sur La Première. Dès 7h15, une heure plus tard, eh bien, ce sera Claude Montané qui vous présentera l'émission Allo Première à la veille de la Journée mondiale des donneurs de sang. Une émission spéciale aujourd'hui, donc de 8h à 9h. Sur la route, Yves Grouillet nous accompagne. On fait un point chaque quart d'heure. D'ailleurs, nous allons tout de suite le rejoindre. Roulez tranquille en suivant l'inforoute avec Autorelais. Autorelais, drive cool. L'information routière au niveau de l'avenue Georges Pompidou. Yves Grouillet, bonjour. Bonjour Jackie, bonjour à tous. Des automobilistes respectueux de la vitesse, oui, mais deux flashés. Alors, je suis là depuis pratiquement une demi-heure. Il y en a un qui s'est fait prendre juste avant 6h, l'autre il y a quelques instants. Un automobiliste qui partait donc forcément vers l'est. Donc ce 15e radar mis en place est mis en service surtout depuis cette nuit minuit. Alors ça a été quand même largement diffusé durant le week-end cette information, mais là qu'il a dû oublier. Et puis voilà, il ne faut pas forcément attention. Alors bien sûr, il en prendra d'autres. Hein. Donc ce sont peut-être pas le premier. Donc celui qui était avant 6 heures, celui qui était avant 6 heures, c'était impressionnant parce que bon, il est parti assez vite. Et puis il est passé à ma hauteur, il devait être à 30-40 km/h. Donc il avait bien réduit sa vitesse, puis tapé sur les mains sur le volant. Ah oui, donc c'est fait prendre. Malheureusement, c'est trop tard. Voilà, attention donc à respecter cela. Attention également du côté du front de mer de Saint-Leu vers la Veuve. le radar qui était réinstallé, donc flash maintenant à double sens, c'est comme si on avait 16 radars automatiques. Voilà, très bonne route en tout cas, bonne sortie vers l'est et puis également bonne arrivée également avec des ralentissements qui se situent entre la courbe de la ravine des Chèvres, la remontée donc de la cuvette jusqu'au plateau de la Marse, c'est assez dense, après c'est plutôt roulant, mais il y a des difficultés avant Sainte-Suzanne bien entendu à cette heure-ci. En direction du chef-lieu côté ouest, des problèmes que vous rencontrez à partir de l'entrée de la tranchée couverte. Là, c'est bien dense et jusqu'à pratiquement la montée de Cambay. Donc une fois passé cette bretelle d'échangeurs, des gros poids lourds vous quittent. Et bien donc là, ça va un petit peu mieux pour aller franchir le pont de la rivière des Galets. Voilà, ça se passe à peu près bien. En tout cas concernant la météo, il y a un peu de nuages, c'est un peu voilé, mais il fait pas trop frais ce matin. Très bonne route. Allez, Yves Brier pour l'information routière juste avant 6h30. Bonne route avec Autorelais. Autorelais, drive cool. Et prudence, hein, on vous rappelle cette information. Donc, ce nouveau radar de l'avenue Léopold Rambaud, qui est en service depuis cette nuit, deux personnes déjà flashées, donc selon Yves Grouillet. Donc, il flash les excès de vitesse dans le sens nord-est. Attention, vous n'avez pas le droit de dépasser 70 km/h à cet endroit. Vous êtes prévenus, soyez vigilants sur la route ce matin. Et si vous êtes encore à la maison, bien si vous avez la possibilité de nous appeler, Réunion Première vous offre un bon cadeau d'une valeur de 20 euros offert par la Première et les magasins Espace Fraîcheur. Pour cela, répondez à cette question au 99-2000. Quel ingrédient n'entre pas dans la préparation du rougail zaran? Est-ce que c'est la tomate? Est-ce que c'est l'oignon ou le basilic? Quel ingrédient n'entre pas dans la préparation du rougail zaran? C'est simple, est-ce que c'est la tomate, le zoignon ou bien le basilic? 02 62 99 2000, à tout de suite. Première. Allô Première. Élevé à La Réunion, c'est nourri. Il y a des jeunes qui se font assister parce qu'ils n'ont pas envie de bouger, il faut le dire. Moi, j'ai 33 ans, je n'ai pas de bon foie. Que nos politiques sont encore ancrées au XXe siècle, elles ne sont pas ancrées au XXIe siècle. Du lundi au vendredi, le débat. Allô Première, Claude Montané. 8h, 9h. Sur Réunion Première. Retrouvez les avis de décès tous les jours sur Réunion Première. À 5h50, 11h50, 13h50 et 17h50. Les avis de décès avec Réunis Solidarité, Mutuelle Obsèque et Complémentaire Santé. Aujourd'hui, c'est Arthur de Lyon qui n'en revient pas d'avoir des bons à parier Quintet Plus offerts. Non, sérieux? Un bon à parier Quintet Plus offert? À votre tour d'être aussi heureux qu'Arthur. Pendant les jours 100% gagnants PMU du 10 au 19 juin, votre bon à parier Quintet Plus est offert à tous les coups. PMU, vivez vos émotions à 100%. Voir conditions dans les points de vente participants. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Première. Alors, Émilie est avec nous. Bonjour Émilie. Bonjour La Réunion, bonjour Jackie. Vous allez bien Émilie? Bah, elle est bien. Alors, qu'est-ce qu'on a mangé ce week-end? Est-ce que l'on a mangé rougail zaran? Ah non, ma femme mange rougail zaran. Et moi, on a une petite question pour vous. Ben, ça, où trouve l'inspiration pour votre question là? Ben, parce que moi, peut-être, maman mange rougail zaran ce ben, week-end. Ah, bon alors. Et tu fais longtemps, et tu fais long, un gazon de riz chaud là-dedans avec gros piment. Ah, ça t'est croûté. Mets de l'eau dans ma bouche. Ah non, mais sérieux, hein, sérieux. Les magnifiques, les magiques presque. Hein. Ah, m'imagine, oui. J'ai presque envie de dire, ma chère Émilie, je suis zaran. Ah, ben alors. Nous sommes tous zarons. Alors, Émilie, qu'est-ce qui rentre pas dans la composition, dans la préparation d'un rougail zaron? La tomate, l'oignon ou le basilic? Moi, je ne mettrais pas de basilic. Pourquoi vous ne mettrez pas de basilic? Pense qu'il ne va pas avec. Ben, m'y pense aussi, hein. Par contre, ils mettent quoi ça? Ils mettent? Peut mettre gingembre? Ah, il mettrait de gingembre. Moi, il mettrait piment. Ah, piment. Après, il va mettre le reste, mais il mettrait piment. Ah, on a raison, ma fille. Alors, Miko n'est pas sûr d'acheter piment, mais Réunion Première avec les magasins Espace Fraîcheur, il y a enfin un bon cadeau d'une valeur de 20 euros. Ben merci beaucoup. Là, il commence bien la semaine. Là. Les gaillards, ben moi, content pour vous. Bon courage, merci, où ça merci. Travaille? Oui, moi, le travail, moi, là. Bon, ben bon courage pour le travail. Et puis, me dis au revoir bientôt pour un autre cadeau, Émilie. Ben, elle est bon. Bonne merci. Journée, ma tête. Bonne journée aussi, pareil, garde cette pêche, hein. Oui, inquiète pas pour ça. Bienvenue à toutes ces réunions premières. Et bravo encore à Émilie qui repart avec son bon cadeau d'une valeur de 20 euros offert par la Première. Et les magasins Espace Fraîcheur. Et de la fraîcheur, il y en a à Saint-Pierre. On sera avec Prisca juste après Mrs. sur la Première. Bon réveil. Tout ça de moi, la fille demande au pardon. Les vrais m'y reconnaissent, t'es pas toujours présent. Mais avec moi, on l'a toujours été surfé. On peut plus faire semblant. L'amour, les pieds comme avant. Mal à tout essayer, bien au cœur de cette prison. L'amour de vrai, ça y donne un haut frisson. Si tu es allé attaché, valide avec passion. L'autre regard sur moi, ne voit bien l'île a changé. Mais pourquoi continuer? C'est l'amour de la fille d'oublier comment il fait. Dis-moi comme ça, là, l'amitié est plus forte que l'amour. Si l'amour est allé, laisse aller, aller. On aura toujours une pour remplacer. M'y pense, hein, du moins. Bon courage pour ça que t'as une petite déception sentimentale en ce moment. C'était Mrs. sur la première. Faites le plein de saveurs en direct du marché avec Espace Fraîcheur. La pays n'a point du tout, joignons n'est très très peu, enfin joignons pays, qu'on n'en a presque à Marseille de Gros-Saint-Pierre. N'est pas de poireaux, n'est pas de choux, n'est pas de chou-fleurs, n'est pas de salade, on va en parler avec la fine équipe, n'est pas quoi d'autre? Bonhomme. Ah, bonhomme. Excellent, j'adore. Bonjour, comment il est? Ça va les amis? Alors nous sommes avec Tijan. Tijan, il plante des poireaux, c'est ça Tijan? Bonjour. Des poireaux, bonjour. C'est ça, on fait la culture des poireaux à La Réunion. Piton-Hyacinthe. Piton-Hyacinthe. Et Tijan, on l'a vu, il y a un gros nuage sur Piton-Hyacinthe là-bas. Ouais. Hein? La pluie ça tombait là ou quoi? M'y pense pas, non, c'est de la pluie. Mais waouh, la frais là, combien de degrés c'est à peu près d'après où là? Quand il y a 4. D'après les agriculteurs, c'est à peu près 4 degrés. Hein. Mais quand je suis sortie de la voiture, il faisait quand même 18 voire 19 degrés. Ouais, mais la voiture, est on est à Saint-Pierre là. Hein. Oui, mais la voiture, il prend la température de l'extérieur, hein, ah bon. Tijan. Hein. Bon, ça va pour les poireaux, ça pousse bien? Difficilement en hiver. Vous avez réussi à vendre la caisse de poireaux à combien, Tijan? À 25 euros. À 25 euros. Et c'est correct au niveau du prix? Ou... Oui, le prix est correct. Ouais, ça veut dire qu'on va retrouver du poireau dans nos assiettes hein, cette semaine. Vous avez vendu combien de caisses de poireaux à Tijan? Très peu, 15 caisses par là. Bon, 15 caisses, ça va. Hein. Allez, nous sommes avec Alix. Alix, il est juste à côté de moi. Alix, il a la blague. Il a bon peu la blague grand matin. Et Alix, il produit des salades, c'est ça? Des salades. Où est-ce que vous plantez vos salades? Au Pont d'Yves. Au Pont d'Yves. Et ce matin, vous la bien vendre, les salades? J'ai pas trop vendu. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Donc vous remontez avec combien? Non, mais j'ai vendu, mais pas bien. Ah, ça veut dire quoi? 40 centimes le pied. Ah, d'habitude, vous vend à combien? 50, 45 quand même. Vous voulez dire que là, les pas rentables pour vous, c'est ça? Non, c'est bon, on vend pour nous. On vend quand même, on va passer une bonne fête des pères, rassurez-nous. M'y pense. Allez, on continue notre tour de table, si on attend. Et cette fois-ci, on va tendre le micro à Henri. Henri et Nadia, alors j'essaie de me frayer un chemin, vous entendez l'ambiance? Ben... hein, Jackie en direct. Gaïa. Henri, bonjour. Bonjour. Alors Henri, dis-moi... Passe le micro Nadia, dis-moi pas, allez, bonjour. Bonjour. Comment ça va Nadia? Ça va. Alors, c'est pas trop dur de faire le marché comme ça, c'est quand même un métier d'homme, non? Non, ça va, mais ouais. C'est surtout le matin. Bah oui, pour se réveiller, pour comment se réveiller. Vous faites? Ouais. Quel est votre rituel à vous? Ben, commence pas à la frais. Non. Et vous, vous plantez quoi? Vous plantez quoi? Chou-fleur. Comme chou-fleur aussi? Oui. Et les chou-fleurs, ils sont beaux en ce moment, hein. Je sais pas si vous en avez vu, Jackie. Donc vous avez vendu ça en gros, hein. Oui, à la pièce. À la pièce, oui. Combien la pièce ? 2,05 €. Bon, 2,50 €. Donc, on va peut-être retrouver le chou-fleur entre 3, voire 4 euros, hein, sur les marchés de la Réunion. Il y a Alix qui découvre son sac Réunion Première. Parce que vous savez que tous les jours, on vous offre des cadeaux. Alors, c'est bon, Alix, vous allez pouvoir le remplir, votre sac ? C'est la première fois que je gagne un cadeau. Ah, bah écoutez, j'espère que ça ne sera pas la dernière, hein. Faites un vœu, alors. Allez, concernant les cadeaux, il y en aura tout à l'heure. Jackie, on va se décaler un petit peu dans cette zone. On est dans la zone industrielle numéro combien ici ? 3. Numéro 3, donc vous savez, juste à côté du marché de gros. On sera tout à l'heure chez ce grossiste qui s'appelle PNR, qui va vous offrir votre panier garni, toujours dans cette zone industrielle. Mais on vous donnera quelques indications tout à l'heure à 9h50. Le mot de passe, Jackie ? Chou-fleur pays avec Réunion Première. Yes. Allez, viens chercher. Chou-fleur pays avec Réunion Première. En direct du Sud. Merci, Prisca. Faites le plein de saveurs en direct du marché avec Espace Fraîcheur. Votre trajet en toute confiance, c'est l'heure des inforoutes avec Honda Moto. Yves Grouillet pour l'information routière en direct de la Ravine des Chèvres. Oui, avec un trafic correct pour aller vers l'est, un trafic soutenu dans l'autre sens, mais c'est roulant encore, hein, donc de la Ravine des Chèvres jusqu'aux portes de Saint-Denis, au niveau du front de mer. Une circulation qui se fait correctement pour quitter Saint-Denis vers l'ouest également, donc en fin de l'Ancastel. Et puis un petit ralentissement qui s'est formé, ça y est, à hauteur de la caserne Ambert, un petit peu avant la caserne, toujours après le tunnel du Cap Bernard pour le moment. Pas de soucis sur le boulevard sud, boulevard Jean Jaurès, que ce soit sur le pont Vincennes ou les tranchées. Et puis dans l'ouest, bah, pas de changement. Toujours à l'entrée de la tranchée couverte en haut du viaduc avec les ralentissements qui s'étalent jusqu'à pratiquement Cambay. Voilà, donc c'est la, ce sont les principales difficultés actuellement avec une route sèche à peu près partout, un ciel relativement dégagé dans l'ouest, dans l'est en ce moment. Donc c'est vers l'est que je me dirige. De nombreux chantiers se font en ce moment, notamment entre Saint-Benoît et Saint-Rose tout à l'heure. C'était les inforoutes pour des trajets en toute confiance avec Honda Moto. Avec deux automobilistes qui ont déjà goûté le bouton ce matin, on vous rappelle, le nouveau radar de l'avenue Léopold Rambaud est en service depuis cette nuit. Soyez vigilants sur le front de mer. Il est 6h30, c'est l'heure du journal. Le journal de la rédaction présenté par Cécile Thomas. Bonjour Cécile. Bonjour Jackie, bonjour à tous. Deux chiffres à la une ce matin. 81% de non à la carrière de bois blanc, résultat du référendum local organisé hier à Saint-Leu. Autre chiffre, 28% de votants. C'est peu, nous entendrons la réaction de Thierry Robert, le député maire de Saint-Leu, qui a lancé ce scrutin. Les revenus de nos députés consultables en ligne, c'est une disposition de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Sophie Persson nous en dira plus. Les 10 ans de l'association Cœur et Conscience. Hier, une grande fête était organisée à la Saline-les-Bains, l'occasion de faire le point sur cette ONG qui parraine des enfants en difficulté. Puis à la fin de ce journal, zoom sur le push-car, la bonne vieille caisse à savon. Réunion Première, Cécile Thomas. Pour ou contre la carrière de bois blanc, c'est non à 81% pour les Saint-Leuziens qui se sont prononcés lors du référendum local organisé hier. Un non très majoritaire pour ceux qui se sont déplacés pour voter. Le hic, c'est qu'il n'était que 28% de votants, et ça c'est très peu. Sur les 25 595 inscrits, seuls 7194 ont voté. Avec sa majorité municipale, Thierry Robert avait fait campagne pour le non. Des chiffres de la soirée, le député maire de Saint-Leu préfère retenir celui du résultat plutôt que celui de la participation. En tout cas, pour lui, ce n'est pas un échec. En décembre 2015, il y avait 12 listes, il y avait 4 ténors au premier tour. Il y a eu globalement sur l'île 40% de participation au premier tour. Aujourd'hui, on est quasiment à 30% de participation au premier tour pour un référendum. Ce qui veut dire que la participation, alors bien sûr, on ne pouvait pas espérer de 60-70%, tout le monde le sait. Mais ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est quand même pas loin de 30%. Et surtout, 81% de la population saint-leuzienne a dit non à la carrière. Est-ce que la SCPR, la région et l'État vont continuer encore et encore à vouloir passer en force? Alors, si tel est le cas, nous allons aussi prendre maintenant les dispositions nécessaires pour continuer le combat. Thierry Robert, interrogé par Pierre Komorasamy. À moins de 50% de participation, ce référendum n'est qu'une indication. Il n'a aucune valeur pour réellement stopper le projet de carrière. Ce référendum à Saint-Leu, on en reparle ce matin avec Huguette Bello, la députée de La Réunion, présidente du PLR, conseillère régionale d'opposition et conseillère municipale d'opposition à Saint-Paul. Elle répondra aux questions de Philippe Dornier dès 7h15. Politique toujours avec les déclarations d'impôts de nos députés qui sont consultables sur Internet. Ces élus doivent au début de leur mandat faire un point sur leurs sources de revenus ainsi que sur leur patrimoine. Une déclaration de patrimoine qui sera envoyée aussi à la fin du mandat. C'est la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique qui diffuse les informations sur ce que gagnent nos élus et comment ils le gagnent. Le point avec Sophie Persson. La plupart des députés de La Réunion vivent de leur mandat politique. Monique Orphée est professeure des écoles, mais elle n'exerce pas. Prof aussi Jean-Jacques Vlody, mais il n'a pas vu d'élève depuis 2012. La déclaration de Philippe Naillet, qui vient de remplacer Erika Baretsch, n'est pas encore en ligne. Patrick Le Breton, comme presque tous nos députés, est fonctionnaire, un fonctionnaire territorial, mais lui non plus n'exerce pas. Comme Monique Orphée et Jean-Jacques Vlody, sa principale source de revenus, c'est son mandat. Le mandat de député, c'est environ 5000 euros. Huguette Bello et Jean-Claude Fruteau n'exercent pas non plus leur métier. Ils sont à la retraite de l'éducation nationale, des revenus qui s'additionnent donc à leurs indemnités de parlementaires. Le seul à travailler dans le privé, c'est Thierry Robert qui, en 2012, se déclarait gérant d'une douzaine de sociétés. Tous emploient entre 2 et 5 collaborateurs parlementaires. Et notez que ce lundi, Sophie Persson recevra Jean-Claude Fruteau, le député maire PS de Saint-Benoît. Rendez-vous à partir de 18h15 devant La Réunion sur Réunion Première Radio. En bref, 7000 poulets ont été abattus hier dans les Hauts de Sainte-Marie à Piton-Fougères, des animaux suspectés d'avoir contracté la maladie de Newcastle ou l'influenza aviaire, très contagieuse mais sans danger pour l'homme. La direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt a voulu éviter tout risque de propagation à d'autres élevages. Les résultats d'analyse seront connus en milieu de semaine. Le bac, première épreuve écrite ce mercredi avec la philosophie, ce qui veut dire que ce week-end était le dernier pour réviser ou décompresser avant que les choses sérieuses ne commencent. Cette année, 11 450 lycéens se préparent à l'examen dans l'académie, filière générale et filière technologique ou professionnelle confondue. Pour valoriser les filières pro, un concours de photographie intitulé « Vive le bac pro » est organisé depuis l'an dernier. Et cette année, deux réunionnaises ont été récompensées, Laura Tétu et Manuela Richard. Le thème « J'aime ce que je fais, je prépare le monde de demain et je le montre » les a inspirées. Elles ont réalisé un cliché représentant une aide-soignante dotée de plusieurs mains pour symboliser ces différentes tâches. Julie Picard-Verdeau, professeure de sciences et techniques médico-sociales au lycée de Vubel à Saint-Gilles-les-Hauts. Le ministère a voulu donner une autre image des lycéens de bac pro et du bac pro en général. Donc ils ont organisé un concours photo avec comme thème « Je prépare l'avenir de demain et j'aime mon futur métier ». Et donc, voilà, par rapport aux filières des bac pro, il fallait faire une photo qui représente ce qu'on leur demandait dans chaque filière. Donc elle, c'était par rapport à l'accompagnement, donc soins et services à la personne. Donc ça a été un petit peu montré les multitâches qui les attendent dans leur future vie professionnelle. Donc il y a tout ce qui est soins, donc aide à la toilette, etc. Mais il y a aussi tout ce qui est communication, animation, avec un public aussi large que les nouveau-nés jusqu'à la fin de vie. Julie Picard-Verdeau répondait à Delphine Poudroux. C'est une anomalie génétique qui touche une personne sur 20 000, autant dire qu'elle est très rare. Aujourd'hui, c'est la journée internationale de sensibilisation à l'albinisme. Vous le savez, les albinos ont la peau très blanche, leurs cheveux ne sont pas pigmentés et leurs yeux sont aussi touchés par la maladie. Alexin Cuvelier est albinos, comme trois de ses sœurs. Mélodie Nourry l'a rencontré. L'albinisme, c'est un dysfonctionnement de l'apport de mélanine. C'est pour ça que nous avons la peau plutôt blanche, cheveux plutôt blancs, et qui attaque même le système visuel. Du plus loin qu'il s'en souvienne, Alexin Cuvelier n'a jamais énormément souffert, moralement du moins, de cette particularité. Il y a bien eu des moments difficiles, mais ça n'a pas duré. Jusqu'à à peu près CE2, c'est un peu dur. Ma maman était mon carte un petit peu. Même ma bonne prof n'était pas au courant que ça allait l'albinisme. L'autre était un petit peu bizarre. Mais après, à force d'insister, expliquer, là, t'es bon. Au collège, t'es encore mieux. Et après, au lycée, t'es encore mieux encore. Malgré tout, le Saint-Paulois avoue avoir eu une petite période où il voulait se fondre dans la masse. La période de l'adolescence, c'est une période difficile. Moi, j'avais tellement cheveux noirs. Après, j'ai essayé un peu le roux, châtain. Il a dû avoir au moins deux ans et demi. Il peut mal arrêter, ouais. Le quinquagénaire n'a aujourd'hui plus aucun complexe et se plaît à conseiller les autres. Parfois, moi, je suis même étonné parce qu'il y a des personnes qui sortent en France, ils débarquent à La Réunion. J'étais un petit peu perdu. Je te téléphone à moi et je rajoute des renseignements sur la ministre. Des renseignements tels que comment se faire rembourser sa crème solaire haute protection ou encore comment trouver des livres adaptés aux malvoyants. Alexin Cuvelier envisage donc sérieusement de créer une structure en lien avec la seule association française dédiée aux albinos, Jeune Espoir. Elle permettrait de fédérer les albinos réunionnais et de sensibiliser sur cette condition génétique. Mélodie Nourri. L'association humanitaire Cœur et Conscience fête ses 10 ans cette année. Cette association œuvre en faveur des enfants défavorisés en leur donnant accès à l'éducation grâce à des parrainages. Elle intervient aussi dans les domaines de la santé, de la nutrition, de l'accompagnement social et de la protection de l'enfant. En 10 ans, 850 marmailles ont été parrainées et l'ONG ne compte pas moins de 750 parrains et marraines, dont 400 à La Réunion. Parmi ces marraines, Alida, sa filleule, se trouve à Diego Suarez. J'ai une petite fille aussi et quand je regarde les autres enfants, je sais qu'elle a beaucoup de chance. Elle a beaucoup de chance d'aller à l'école, d'avoir des activités que ma filleule, elle n'en a pas. Et qu'est-ce qui a changé pour cette petite fille depuis que vous l'avez parrainée? Tout, parce que maintenant, sa maman travaille, mais elle ne peut pas subvenir aux besoins des enfants. Donc du coup, elle a accès à tous les soins, elle et toute sa famille. Elle peut avoir accès à d'autres activités maintenant, ainsi que les frais de scolarité. Et ensuite, à la rentrée scolaire, j'envoie un kit scolaire. Elle est contente à chaque fois quand on envoie des petits cadeaux. Quand on envoie des petits courriers, ça fait chaud au cœur. Au jour d'aujourd'hui, c'est pas simplement ma filleule, c'est, je la considère comme ma fille. Je fais en sorte qu'elle essaie d'avoir les mêmes choses que ma fille. Alida, bénévole à l'association Cœur et Conscience, répondait à Priscilla et Thève. Ce sont des fous du volant, mais ils ne craignent pas le nouveau radar anti-pousse installé à Saint-Denis. Leur discipline allie rigueur, précision, anticipation, qualité de pilotage. Vous les avez peut-être vus hier à Brapanon, les adeptes du Pushcar. Une course pour enfants et adultes a eu lieu près du stade à Brapanon. Une compétition sur un circuit à plat, en deux manches, avec un changement de pilote à chaque manche. Mais au fait, c'est quoi exactement le Pushcar? Katia Duhamel est la présidente de l'association Les Fous du Volant, l'association qui organisait la manifestation. C'est une petite voiture en bois avec quatre roues qui se pousse, qui se conduit. Ça fait partie des caisses à savon parce qu'il y a six catégories de caisses à savon en fait. Il y a des punchcars, il y a des folkloriques, il y a des drifts, il y a des cariolis, il y a des bretelles. Et les loisirs. Et à La Réunion, ça fonctionne? Les gens apprécient? Un engouement autour de ce type de voiturette? Ah oui, parce que l'année dernière, nous avons eu déjà à l'éperon plus de 2000 personnes en public. Nous avons eu 35 voitures en folklorique, 70 caisses à bretelles pour la première édition. Donc pour cette année, on pense avoir à peu près 80 bretelles et à peu près entre 15 et 20 concurrents par catégorie. Katia Duhamel, présidente de l'association Les Fous du Volant, interrogée par Mélodie Nourri. Et cette association fait partie de la Fédération française des caisses à savon qui organise les championnats de France et du monde. L'info revient à 7h. Et tout de suite, c'est l'heure de la chronique éco préparée par Sébastien Letard. Dans le cadre de l'examen du projet de loi Sapin 2 sur la transparence financière, les députés ont voté la suppression de l'agrément fiscal pour le financement du logement social outre-mer. Une mesure réclamée depuis un an par les professionnels. Sébastien. Le Premier ministre Manuel Valls l'avait annoncé début juin après des mois de protestation des professionnels. La suppression de l'agrément préalable pour le financement du logement social dans les DOM. Les dossiers restaient bloqués à Bercy pour des questions de procédure en attente de la validation indispensable pour pouvoir profiter du crédit d'impôt. Avec l'amendement déposé par le gouvernement, fini les blocages dus aux ailes des fonctionnaires de Bercy, comme l'annonce le ministre des Finances Michel Sapin. Bon, c'est une réforme qui est importante. On sait, y compris à Bercy, le poids de l'exigence d'un agrément pour un certain nombre d'investissements, les difficultés que cela pouvait occasionner. Et donc, nous allons passer, pour dire les choses simplement, d'un contrôle a priori à un contrôle a posteriori. Que personne ne croit qu'il n'y aura aucun contrôle sur des opérations de cette nature qui, par ailleurs, permettent d'une défiscalisation ou des diminutions fiscales très, très importantes. Ce qui vous est proposé, c'est que cette dispense d'agrément s'applique dès le 31 mai, puisque c'est le jour où le Premier ministre a annoncé cet objectif de suppression de l'agrément préalable. Je pense à une mesure rapide, et qui peut être très efficace et permettre à des travaux de commencer dès maintenant. Des contrôles a posteriori, en tout cas pour les plus petits programmes de logements sociaux. Les chantiers supérieurs à 2 millions d'euros resteront soumis au contrôle de Bercy. Le député de Guadeloupe, Victorin Lurel, est satisfait. J'ose le dire ici devant la représentation nationale. Merci monsieur le ministre. Je félicite le gouvernement. C'est du bon travail, c'est très attendu dans les Outre-mer. Entre 900 et 1 millier de logements étaient jusqu'à présent en attente d'agrément à Bercy pour pouvoir débuter les travaux. Sébastien Letard pour la chronique économique sur Réunion Première. À 6h43, on vous signale cet accident. Attention, prudence, donc il y a eu un carambolage en haut de la montée de Bel Air sur la voie de droite. Yves Gruyer sera avec nous pour nous en dire plus juste après les prévisions météo. Et puis suite à un mouvement de grève à Météo France, eh bien les bulletins ne sont pas actualisés régulièrement. On va aller à l'essentiel des averses qui peuvent se produire ce matin dans le sud-est de l'île, de Sainte-Rose à Saint-Philippe, également dans les hauteurs de Saint-Joseph. Quelques gouttes ne sont pas à exclure. Partout ailleurs, eh bien des nuages qui se partagent le ciel avec de belles éclaircies ce matin. Un début de semaine plutôt agréable. Et côté ciel, pas de grands changements pour cet après-midi avec toujours des nuages dans les hauts. Roulez tranquille en suivant l'inforoute avec Autorelais. Autorelais, drive cool. Et on vous informe tout de suite eh bien, de ce carambolage. Yves Gruyer. Oui, le carambolage. Alors, il y avait trois véhicules. Le premier n'est pas resté. Alors, je pense que c'est un véhicule assez gros. En fait, c'est la troisième véhicule qui a envoyé le deuxième dans le premier, comme souvent. Et puis, le véhicule ne s'est pas arrêté. Il pensait qu'il n'avait rien. Donc, en portant la voiture intermédiaire, c'est lui qui s'est fait prendre en sandwich, donc a quand même le phare cassé, le capot bombé, et la conductrice qui arrivait derrière de Saint-André arrivait un petit peu vite dans cette zone où il y a une circulation d'accordéon comme souvent, hein, donc voilà. Donc ils sont sur la bande d'arrêt d'urgence, et alors c'est assez étonnant, vous entendez les voitures à côté de moi, ce sont bien les voitures qui se dirigent vers Saint-Denis, et elles ne sont pas à l'arrêt, et c'est ça qui est plutôt la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas d'effectuosité, et généralement, en période, on va dire, normale, parce que là, c'est vrai qu'on s'approche de la fin de l'année scolaire, eh bien, il y a beaucoup moins de facilité à circuler quand il y a un accident, vous le savez. Eh bien, là, c'est la bonne nouvelle. Donc là, il y a constat à réaliser, on doit réaliser leur constat. Et puis, les véhicules repartiront sans doute d'elles-mêmes, parce qu'il n'y a pas vraiment de gravité. Ça se passe juste avant la bretelle qui quitte la 4 voies pour rejoindre le centre-ville de Sainte-Suzanne, en haut de la côte de Bel Air. Alors il y avait quand même un trafic assez dense, hein, donc avant la marine de Sainte-Suzanne, attention en provenance de Saint-André, un gros trafic. Et puis cette zone est roulante et pratiquement jusqu'à Saint-Denis, c'est la bonne nouvelle. En ce qui concerne l'entrée ouest, c'est sortie de tunnel du Cap Bernard, donc quasiment sous la tranchée. Il y a du monde sur le tube côté montagne en ce moment sur le boulevard sud. Et côté ouest, c'est à hauteur de l'échangeur de Plateau Caillou. Très bonne route. Bonne route avec Autorelais. Autorelais, drive cool. Le syndicalisme est basé sur le clientélisme. On n'a pas de leçons à recevoir de personne. Nous sommes obligés d'aller prêter allégeance à la couronne. Je rejoins un peu le syndicalisme. Est-ce que ce n'est pas une forme de prise d'otage et de chantage ? L'actualité réunionnaise analysée. J'ai une personne cette carrière-là. De 12h15 à 12h45. Laissez travailler les gens. Pendant une demi-heure au moment du déjeuner. C'est dans l'actu sur Réunion Première. Samedi 18 juin à Petite-Île, les agrumes font une escale en musique au pays du terroir. Dès 9h, découvrez les produits de nos agriculteurs et de nos artisans sur un marché haut en couleurs. Profitez du stand tourisme de Destination Sud Réunion et de visites guidées gratuites. Le 18 juin, le plein de vitamines, c'est à Petite-Île. Oussanoussava en concert à 20h30. Plus d'infos sur www.sud.réunion.fr. Avec Tom, on a toujours été amis depuis qu'on est petit. On est allé à l'école ensemble et on a toujours fait les pique-niques du dimanche. Encore aujourd'hui, quand il y a des fêtes, on est souvent au fourneau. Alors comme on ne trouvait pas de travail, on a décidé de monter notre affaire grâce au tremplin pour l'activité des jeunes. On a monté notre dossier, il a été accepté et avec l'accompagnement du département, on a pu lancer notre snack. Alors vous aussi, réalisez vos rêves avec le tremplin pour l'activité des jeunes. Avec le département, enclenche ta motivation, déclenche ta vie en appelant dès maintenant le numéro vert 0800 1 800 1 000 ou en te renseignant sur le site cg974.fr. Première. 6h47, vous écoutez Réunion Première. On a reçu les journaux, on les a lus, Cécile Thomas. Et on commence avec le quotidien, Jackie, et le référendum à Saint-Leu. 81% contre la carrière, 28% de votants, un petit non, titre le quotidien. Autre titre, MEDEF, Yann De Prince flingue la CGPME. Yves Maurice, le violeur d'une réunionnaise, est passé aux aveux. acte terroriste aux USA. Au moins 50 morts dans une boîte gay, écrit le quotidien. En foot, en D1R, les Cigognes reçus 7 sur 7. Titre le journal, 7 matchs, 7 victoires. Et puis l'Euro 2016, Allemagne, Pologne et Croatie, vainqueurs de leur match hier. Le référendum local à Saint-Leu-en, le journal de Lille, tout simplement. Oui, 80% de non et après, demande le GIR ce matin avec un point d'interrogation, avec seulement 28% de participation. Thierry Robert ne réussit pas à bloquer la carrière de Bois Blanc, mais il annonce déjà une contre-attaque. Hooliganisme, l'Angleterre et la Russie menacées d'exclusion de l'euro. Le journal de l'économie, De Prince, soutient Fauchard et règle ses comptes. Terrorisme, au moins 50 morts dans une discothèque gay américaine. Et puis élite modèle look, la Réunion a voté Kiara. Dans la presse nationale, l'attaque terroriste aux États-Unis en une d'aujourd'hui en France. Nuit d'horreur en Floride, titre le journal. Les États-Unis sont une nouvelle fois sous le choc. Au moins 50 personnes ont été tuées dans la nuit de samedi à dimanche dans une discothèque d'Orlando. Un attentat revendiqué par Daesh. Autre titre, loi travail, une semaine cruciale. Et puis Euro 2016, les Bleus vont avoir besoin d'un grand Pogba. La tuerie aux États-Unis également, une du Figaro ce matin. La terreur et la haine, titre le journal. La fusillade la plus meurtrière de l'histoire de l'Amérique a fait au moins 50 morts dimanche dans un club gay à Orlando. L'État islamique a revendiqué la responsabilité de la tuerie. Autre titre, code du travail, la droite veut tout changer en 2017. Et puis l'Euro 2016, la vente d'alcool restreinte après de violents affrontements. Deux jeunes qui se serrent dans les bras ont une de Libération. Orlando, nouvelle plaie béante. L'attaque d'un club gay a fait au moins 50 morts et autant de blessés en Floride dans la nuit de samedi. L'État islamique a revendiqué cette fusillade la pire de l'histoire des États-Unis. Autre titre, Nicolas Hulot, je ne veux pas aller à la présidentielle par obligation. Entretien avec l'écologiste qui pense à 2017 dans Libé ce matin. Libé qui tente un jeu de mots concernant le football, Euro 2016. Comportement à Rix. En écho aux affrontements violents qui ont éclaté ce week-end à Marseille et à Nice. L'Euro de football en une de l'équipe. L'inquiétude, Griezmann, leader annoncé de l'attaque des Bleus. L'attaquant de l'Atlético de Madrid s'est montré très effacé contre la Roumanie vendredi dernier. Faut-il s'en soucier, demande l'équipe. Allemagne, Ukraine, 2-0. Les Allemands soignent leur entrée. Et puis, Grand Prix du Canada. C'est la Formule 1, pardon. Hamilton met la pression sur Rosberg. Et à 7h45, on parlera de l'Euro 2016 avec le journal de l'Euro sur Réunion Première. Merci Cécile Thomas. La course cheval à cette heure, l'arrivée du quintet dans l'ordre pour gagner hier, fallait miser sur le 2, le 6, le 8, le 7 et le 16. Le 2, le 6, le 8, le 7 et le 16. Le numéro plus, c'est le 05 97. La course qui nous intéresse aujourd'hui prendra son départ à Compiègne, sur du plat, 16 partants, 1400 mètres à parcourir. C'est une piste en gazon et le départ il est prévu à 15h47. Montant de la tirelire, 5 150 000 euros. Aïe au moment. Les favoris de Pascal Maillot, le 8, le 3 et le 6. Le 8, le 3 et le 6. La suite de son pronostic, le 10, le 15. L'As, le 5, le 9. Et en cas de non partant, misez sur le 7. Voici les pronostics du Fouineur, du GIR, le 5, le 6 et le 3. Ce sont ses favoris. Le 5, le 6 et le 3. La suite de son pronostic, le 15, le 16, le 8, l'As et le 4. Un rappel de ses pronostics sera fait ce matin, juste avant 10h, à 9h58 précisément. Et l'arrivée, c'est sur Réunion Première, juste après le journal de 16h. Dans le 15-18, avec Isabelle et Michael. Pour que le jeu reste un plaisir, jouons quoi ? Eh bien, jouons responsable. Bonjour Michael, je veux faire un jeu. Bonjour Tipoupette Danso, c'est Jackie qui vous offre avec Réunion Première deux places de ciné pour aller voir le film Warcraft, le commencement, The Beginning, à l'international, un film de fantasy américain coécrit, réalisé par Duncan Jones, sorti en 2016. Il s'agit de l'adaptation au cinéma de la série de jeux vidéo Warcraft. Est-ce que je t'y connais ? Est-ce que Zati veut aller voir ce film surtout ? Zati compose maintenant le 02 62 99 2000. Moré Film vous offre vos deux places. A tout de suite. Vous êtes perdu. Car vos chefs sont aveugles. C'est Aïe ça ? C'est qui le chef là-bas ? Le chef. Ma vieille, son mou. Jackie réveille la réunion. Aïe maman, il m'a dit aïe maman, tout fait ça. Jackie réveille. Ah, bon. Grand Matin. C'est ça. Sur Réunion Première. Ah bon, effectivement. D'assez simple, d'assez... qui doit déboucher, sur une... Dans la fraîcheur de Sillaos ce matin avec Eric. Bonjour. Bonjour. Ça va Eric ? Ça va bien, ouais. Ouais, des petits lentilles de Sillaos comme ça... Ça passe bien, non? Ouais, au petit déj, peut-être pas, mais bon, après, pourquoi pas. Ouais, à midi ou sinon le soir, quand il fait frais, Eric. Plutôt le soir, ouais. D'accord. Alors, où il aime bien manger? Ah, j'aime bien manger, ouais. Oui. Où il aime aller au cinéma? Ouais, plus pour aller avec le fiston, mais. Ah, super, bah ça va lui faire plaisir. Il a quel âge, le fiston? Il a 14 ans. Ah, bah ça passe bien, c'est pour lui, ça. Warcraft, le commencement, à voir dans les salles du réseau Morifilm. Multiplex Ciné Cambé à Saint-Paul, Ciné La Case Saint-Denis ou sinon Plaza à Saint-Louis. Ouais, ok. Gaillard, deux invitations, mon cher Eric. C'est super gentil. Eh ben, les gentils à vous d'écouter Réunion Première. Merci à Réunion Première, ouais. Eh ben, super, Miss Ottawa, un bon film et puis une belle journée. Ok. Salut le fiston pour nous. Et comment ça se passe pour que je récupère les attends. Alors, vous vous quittez pas, on va tout vous expliquer en antenne, d'accord? Ok, ça marche. Super, à bientôt. Merci, bonne journée à Doc. Salut Eric. Salut Sillaos. Alors je vous rappelle cette information routière avant d'écouter Radio Novella. Prudence, il y a eu un carambolage donc en haut de la montée de Bel Air sur la voie de droite. On aura plus d'informations avec Yves juste avant le journal de 7h. Après la planète Mars AD de la galaxie Mars Tecel, direction une autre planète, cette fois celle des sergents Loulou et Boutin. Les sergents de l'espace qui sont venus au secours de nos dallons, Gougout, Rakoto, Karpaï et Mamadou qui allaient se faire bouffer. Radio Novella, c'est sur Réunion Première. Précédemment dans votre Radio Novella. Moi c'est le sergent Loulou, et ça c'est mon collègue, le sergent Boutin. Nous c'est les sergents de l'espace. Le sergent Loulou et le sergent Boutin avaient fait irruption dans la chambre de décontamination de notre bande de ballons. Gougout, Karpaï, Mamadou et Rakoto apprennent alors que le but final du doyen de Mars AD était en fait de les manger à la sauce réunionnaise. Mais les deux sergents de l'espace sont différents des Marsadiens. Beaucoup plus petit, avec une peau de couleur rose, ainsi que des traits de visage plus marqués, car boursouflés comme la figure des frères Bogdanov. C'est aillé ça? T'es, dis-moi les couleurs. Pourquoi ils ne ressemblent pas à Kout Tabada? Ben peut-être sûrement, okay, parce que c'est pas le même race, non? On dirait maintenant les plus coins. Et c'est vrai, vous êtes beaucoup plus petit et pas de la même couleur. Par contre, la gueule fait un pépé, hein? Ben c'est normal, parce que nous c'est pas de Marsadiens, nous c'est des Bogdaniens. Qui? Bogdaniens? Ben oui! Nous sommes sur la planète juste à côté. Il s'appelle Big Mountain. Et Big Mountain? Et c'est un groupe de musique, ça, non? T'es mal classe. Le groupe s'appelle Big Mountain, pas Big Mountain. Ooh, baby, I love you, oui. Oui, bon, bref. Notre planète s'appelle les Big Mountain, oui. Mais est-ce qu'ils obtiennent un vaisseau pour amener à nous de chez la Terre? Ah, ça, oui. Pour avoir de vaisseau, nous, notre vaisseau. Mais par contre, avant de ramener les autres chez eux, il faut qu'ils nous passent un instant dessus notre planète. T'es, ça parle le train, ça? Et qui ça, il dit pas nous autres, ça pas mange, les gars, et quand ça débarque, de sur ton planète, là. Mais bien sûr que non, messieurs les humains. Parce que, à nous, de ce Big Mountain, nous mange rien que bas de chouchou. Oh, gars, saucisse avec gros poids. Ben oui. C'est ça. Ah, bon. Ouais, d'accord. Ah, bon. Y en a bras de chouchou avec saucisse de sur ton planète? Ben oui, mon gars. Nous mange pas de moon, mais nous sommes cochons. T'es ouin, t'es bon, mais ça me vient l'extraterrestre. Ah, non, messieurs les humains. Nous, c'est pas diable. Nous, c'est Bogdanien. Bogdanien. Disons donc allemand. Et, dis-moi, écoute, là. Autre camarade, là, les causes, pas qui? Depuis que j'ai l'arrivée, il n'y a pourquoi dire rien. Ça, c'est Jean Boutin? Ben c'est Paul pas. Lui Paul pas. Depuis tant petit, Paul pas. Enfin, il faut dire aussi qu'il n'a jamais vraiment été grand. Mais quand il était encore plus petit, il veut dire. Par contre, lui entend si vous dites de faire quelque chose. Ben lui entend. Mais quand vous parlez de lui, ben lui répond pas vous. Comme c'est Paul pas. Un Paul pas, il Paul pas. Ben ou pas, comment on dirait aux causes, hein, tao, hein? Ah oui, il y a dedans parler. Depuis tant petit, il Paul. Parce qu'il faut parler, il dit moi. Parce que regarde le siège Jean Boutin, lui Paul pas. Parce que c'est Paul pas. Mais si lui t'es Paul, ben là, moi c'est sûr que lui sera en train de parler. Et nous, ben nous n'aurions pas les cris. Là, nous n'aurions pas les, ah oui. Mais il connaît pas quoi que nous n'aurions pas les. Mais nous n'aurions pas les, pas les, pas les, pas les, pas les, pas les, pas les, pas les. Ben quoi, il parle plus? Eh mais les gars, vous savez quoi, c'est bizarre. Il me rappelle un peu quelqu'un de notre planète. T'es vrai, à moins que je m'en finisse entendu un monde comme mon cousin. Bonne zaf, comment faut-il faire des clous, ça? Bon, ben c'est Jean Loulou. Où sort le vaisseau, il est? En barré avant un coup de tabada, il revient. Notre vaisseau est garé sur le parking d'ailleurs. Allons-nous? Nous allons parler un peu en chemin? T'es bizarre, ça dit mal de tête de galant. Gougout, Karpaï, Mamadou et Rakoto sont sur le point de suivre les sergents bogdaniens sur la planète Big Mountain. Mais qui sont-ils vraiment? Et quel est leur but? Le mystère sera-t-il percé? Ou seront-ils râlés dans le faux train? Tu rentres à la moins dans le train, non. Vous le saurez très bientôt dans Radio Novela. Et c'était la centième de Radio Novela aujourd'hui, mes amis. Direction une autre planète avec les sergents de l'espace sur la première. Vivez cette expérience chaque jour, donc juste avant 7h. On va prendre des nouvelles de cet accident survenu dans la montée de Bel Air avec Yves Gruyer, juste avant le journal. Votre trajet en toute confiance, c'est l'heure des inforoutes avec Honda Moto. Et il s'agit d'un carambolage, Yves. Oui, il y avait trois voitures. La première là, s'est pas arrêtée. Pourtant, elle s'était fait percuter par l'arrière. Donc, bon, je ne sais pas s'il y avait des dégâts. On imagine que non. Et comme je vous le disais tout à l'heure, donc, le véhicule pris en sandwich, lui, est abîmé devant et abîmé derrière. Ils sont en train de faire le constat. J'ai toujours un stylo pour réaliser ces constats, donner quelques explications. Les gens ne savent pas forcément remplir comme il faut. En tout cas, c'est le premier accident. Généralement, c'est toujours un peu la surprise. On est toujours un peu inquiet. Voilà, en ce qui concerne le trafic, là il y a un peu plus de ralentissement parce que les pompiers sont arrivés dans un premier temps. Deux véhicules, le véhicule de secours aux victimes, puis après le gros véhicule pour le matériel. Et puis ils sont repartis, les gendarmes sont arrivés. Généralement quand les pompiers arrivent, les gendarmes viennent. Là, c'est juste un constat à l'amiable réalisé. La patrouille de la Direction Régionale des Routes est également présente. Donc, ça se passe juste à hauteur de l'entrée de la bretelle qui va vers Sainte-Suzanne, en haut de la côte de Bel Air. Par contre, le ralentissement, s'il y a ralentissement, c'est parce que ça coince après. Donc, c'est la bretelle de sortie de l'échangeur nord de Sainte-Suzanne qui ramène un gros trafic avant la ravine des Chèvres. Voilà. Donc, voilà pourquoi ça coince. Trafic encore dense mais roulant. Donc ensuite, pour rejoindre Saint-Denis, il n'y a pas encore de vrai ralentissement entre la descente du plateau de la Mare et l'entrée du front de mer. Mais pour l'entrée ouest, attention, c'est au niveau des potences. Donc démarre les ralentissements presque un petit peu avant. Et puis un pont Vincennes encore dégagé. Tranché côté mer, un peu plus dense que côté montagne à cette heure-ci. Pas de changement pour l'ouest, c'est toujours à hauteur de l'échangeur. Deux plateaux cailloux, voilà. Donc, dégâts matériels et les véhicules qui repartiront d'eux-mêmes. C'était les inforoutes pour des trajets en toute confiance avec Honda Moto. Donc, prudence sur la route ce matin, carambolage en haut de la montée de Bel Air sur la voie de droite, quelques dégâts matériels. On aura plus d'infos avec Yves Gruyer dans 15 minutes. Il est 7h. Le journal de la rédaction de Réunion Première présenté par Florent Marot. Bonjour Florent. Bonjour Jackie, bonjour à tous. Saint-Leu dit non à la carrière de bois blanc. Les Saint-Leusiens se sont prononcés contre le projet à 81%. Un bon résultat pour Thierry Robert, mais qu'il faut relativiser. Moins d'un électeur sur trois s'est déplacé. 7000 poulets abattus hier, c'était dans un élevage de pitons fougères dans les Hauts-de-Sainte-Marie. La DAF soupçonnait une maladie aviaire très contagieuse, mais sans danger pour l'homme. Pour beaucoup de Mahorais, c'est historique. Le premier vol direct Mayotte-Paris d'Air Austral a eu lieu ce week-end. Un vrai gain de temps. Il faut désormais 9 heures pour rallier la capitale depuis Mamoudzou. Les organisateurs annoncent 30 à 35 000 visiteurs. Gros succès ce week-end pour la fête du chouchou à Salazy. Et vous, comment aimez-vous le chouchou? Quelques recettes dans ce journal. Enfin en sport, pendant qu'en football, la Saint-Pierroise continue son cavalier seul en D1 R. 7 matchs, 7 victoires. Le cycliste Julien Maillot a lui remporté le Grand Prix du Chaudron, on en parle à la fin de cette édition. Réunion Première, Florent Marot. À la question, voulez-vous que Saint-Leu révise son document de planification pour permettre la carrière de bois blanc? 81% des Saint-Leusiens ont donc répondu non, une large majorité donc pour cette consultation populaire, la première organisée dans l'île. Un résultat à relativiser tout de même, la participation dépasse à peine les 28%, 7194 votants sur les quelques 25600 inscrits. Thierry Robert avait fait campagne pour le non, le député maire de Saint-Leu est contre l'exploitation de roche massive à bois blanc. Et pour lui, évidemment, ce qu'il faut retenir, ce n'est pas la participation, quoique, mais ce nom à 81%. Vous avez du côté de Bois-de-Neuf, du côté de Bois-Blanc, du côté de Portail, etc. 45% de participation dans les bureaux de vote. Et puis, du côté de la Chaloupe, de l'autre côté là-bas, 15%. Mais c'est tout à fait normal, parce que les gens de la Chaloupe se sentent moins concernés par rapport à ceux qui habitent sur le littoral. Même les gens, par exemple, de Colimaçon, pas loin de 40% de participation. Donc je pense que les choses sont totalement logiques. Alors c'est vrai, je vous cache pas que j'appréhendais un peu, depuis la fin de cette semaine, ce résultat-là de participation. Mais quand je regarde, en fonction aussi de la disposition géographique des quartiers, je me dis, mais la participation est extraordinaire. Et en plus, 81%, on voit bien que là, les Saint-Leuziens sont contre la carrière de Bois-Blanc. Ça, les choses sont claires, nettes et précises. Thierry Robert se dit donc satisfait, ses opposants aussi, vu les 28% de participation. Eux voient dans ce résultat un échec du député maire de Saint-Leu. Les précisions de Jonathan Rivière, vice-président des terrassiers, habitant de Saint-Leu et pro-carrière. Aujourd'hui, on voit que le maire a fait campagne pendant 2 semaines, plusieurs voitures sonos, il a fait 3 réunions tous les soirs, il a mis sa photo partout en disant « votons, votons non » et il s'est retrouvé qu'avec 28% de votants et que 5000 personnes sur 25000 qui a voté. Donc le non a fait le plein, donc ce n'est pas représentatif, ça veut dire que la population de Saint-Leu n'a pas suivi Thierry Robert et le chien aboie, caravane passe. Je pense que la carrière va s'ouvrir. Et j'espère bien que la SCPA va respecter ses engagements et que tout le monde sera gagnant. Des réactions recueillies par Pierre Comorassamy et ce nom des Saint-Leuziens à la carrière de Bois-Blanc ne pourra pas être validé en conseil municipal. Pour cela, la participation aurait dû atteindre les 50%. Et pour aller plus loin, notamment sur l'avenir de la nouvelle route du littoral, nous reviendrons sur ce référendum à Saint-Leu avec l'invité de la matinale. Philippe Dornier reçoit juste après ce journal Huguette Bello, députée présidente du PLR. On parlera aussi du logement et de la loi travail. Un mouvement de grève nationale est prévu demain à la Réunion, un défilé programmé à Saint-Denis entre le Petit Marché et la préfecture. Les 7000 poulets d'un élevage de pitons fougères dans les Hauts de Sainte-Marie ont été abattus hier. Une maladie aviaire de Newcastle ou d'influenza était suspectée. C'est très contagieux, mais sans danger pour l'homme. La gendarmerie et la DAF n'ont voulu prendre aucun risque. Les résultats des analyses seront connus en milieu de semaine. Dans le reste de l'actualité, l'association humanitaire Cœur et Conscience fête ses 10 ans cette année. À cette occasion, une journée festive a été organisée hier au centre Jacques Tessier de la Saline-les-Bains. L'occasion de faire le bilan des actions menées depuis sa création en 2006. Cette association permet en effet aux enfants défavorisés d'avoir accès à l'éducation à travers des parrainages. En 10 ans, 850 marmailles ont été parrainées. Parmi eux, Francia et Francisca, des jumelles de 17 ans arrivées à l'association il y a 9 ans. Priscilla Etève les a rencontrées. Tout a commencé par le décès de notre papa. Francia et Francisca ont 7 ans lorsqu'elles perdent leur père. Leur maman travaille, mais elle a beaucoup de mal à subvenir à leurs besoins. Elle cherche alors de l'aide auprès d'un curé de Diego Suarez. C'est comme ça qu'elle découvre l'association Cœur et Conscience. Les jumelles sont parrainées dans la foulée par un couple métropolitain. Ça a allégé la dépense de notre mère pour les vêtements, les nourritures. Mon frère, il est malade, il peut accéder aux soins de l'association. Ma mère aussi. Et c'est moins cher. On a pu accéder à l'enseignement d'un établissement privé. Motivées et assidues, les deux jeunes filles décrochent leur baccalauréat avec mention l'année dernière. Désormais, elles étudient à l'université de Diego Suarez, comme elles l'ont toujours espéré. De quoi les rendre heureuses et fières, mais surtout reconnaissantes envers cette association solidaire. Comme maintenant à Diego, la situation des jeunes, c'est vraiment grave. Pour les jeunes filles, c'est la prostitution et la grossesse précoce, le mariage précoce qui est fréquent, c'est vraiment une chance. Une chance qu'un jour, Francia et Francisca souhaitent donner à d'autres enfants défavorisés de Madagascar en devenant elles aussi des marraines de Cœur et Conscience. Et l'association Cœur et Conscience intervient aussi dans les domaines de la nutrition, de l'accompagnement social, ainsi que dans le domaine de la santé. Santé, toujours, c'est une affection universelle rare. Elle touche une personne sur 20 000. Aujourd'hui, c'est la journée internationale de sensibilisation à l'albinisme. En France, 80 personnes naissent chaque année avec cette particularité génétique, une absence de pigments dans la peau, les cheveux et les yeux. Objectif de cette journée, lutter notamment contre les croyances. Dans certains pays d'Afrique, les albinos font l'objet l'objet de véritables chasses à l'homme. Réunion première, 7h07, le radar de l'avenue Léopold Rambaud est en service, Laurent. Et oui, depuis cette nuit, il flash les excès de vitesse dans le sens nord-est. Attention, vous n'avez pas le droit de dépasser 70 km/h à cet endroit. Les radars, la solution anti-pousse. La question sera posée ce midi dans C'est dans l'actu avec Philippe Dornier. Pas d'excès de vitesse dans les airs. Le premier vol direct Mayotte-Paris d'Air Austral a eu lieu ce week-end. Un vrai gain de temps. Il faut désormais 9 heures pour rallier la capitale depuis Mamoudzou. Michel Ahmed était à bord de l'appareil et pour le directeur du comité du tourisme de Mayotte, il s'agit là d'un vol historique. Au-delà de l'effet historique, tout le secteur touristique à Mayotte attendait ce vol avec beaucoup d'intérêt pour pouvoir dire à nos clients et aux touristes à l'extérieur que désormais ils peuvent gagner presque 2 journées dans leur voyage. En faisant un vol direct Paris-Mayotte, ils économisent presque 2 journées qu'ils peuvent mettre dans leurs vacances à Mayotte, ce qui est une très bonne nouvelle. Nous organisons une soirée à Paris où nous invitons la presse spécialisée tourisme et les tour opérateurs agences de voyage pour leur dire que enfin nous avons la ligne directe Paris-Mayotte. Michel Ahmed, directeur du comité du tourisme de Mayotte et Air Austral, proposera cette liaison 2 fois par semaine. Mayotte qui était au cœur des discussions ce week-end au ministère des Outre-mer avec un premier point d'étape. 1 an après la mise en place du plan Mayotte 2025, un tiers des mesures prévues sont déjà en train d'être mises en œuvre. Un plan sur 10 ans qui tarde tout de même à se réaliser selon certains députés maoris. On revient à La Réunion, plus que 2 jours avant le bac, la philo, c'est mercredi à partir de 10h. Cette année, 11 450 lycéens sont inscrits, tous bacs confondus, généraux et professionnels. Et c'est justement pour valoriser la filière pro que le concours de photos intitulé « Vive le bac pro » a été organisé. Sur les 1015 photos envoyées au jury, eh bien, La Réunion a décroché une belle 3e place dans la catégorie service. Ce sont Laura Tétu et Emmanuela Richard du lycée de Vubel qui ont été primés. Delphine Poudroux a rencontré les 2 lycéennes. À 17 et 18 ans, Laura et Manuela sont en bac pro, accompagnement, soins et services à la personne au lycée de Vubel. En quelques clichés, elles ont remporté avec leur classe une 3e place au concours national intitulé « Vive le bac pro ». L'objectif de ce concours était de représenter au mieux et de manière artistique les tâches de leur futur métier. Notre photo, en fait, c'était quelqu'un dans le lit. Dans un lit, et avec une aide-soignante, avec plusieurs bras derrière, qui représentaient les tâches qu'une aide-soignante faisait. Justement, c'est quoi toutes ces tâches? Par exemple, le soin, venir en aide à la personne, avec, par exemple, comme vous voyez sur l'image, avec le gant, et aussi la pommade et le pain.